Montréal qui fait quand même presque une centaine de kilomètres. Ah, c'est ça en fait. Elle date de quand cette carte? 60. Oh, c'est assez ancien, hein. Ça doit être des années 80. Mais bon, ça n'a pas changé tant que ça. Ouais, les infrastructures qui ont été mises en place dans les années 80, c'est toujours les mêmes aujourd'hui? Oh ben, on grignote toujours, on ajoute, mais grosso modo, oui, le gros des travaux a été fait dans les années 60, 70. D'accord. Par exemple, toute la canalisation du fleuve, les écluses, les îles de l'Expo 67, ouais. Les aménagements riverains autour de Montréal, ouais. Ça a toujours un peu bougé quand même, mais pas énormément. Ouais, c'est intéressant. Alors, vous êtes tous les trois français en visite? C'est ça. Quatre avec Fabien. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Alors, ça fait 2 semaines que vous êtes là. Ça fait bientôt 3 semaines en fait. On part dimanche. Et ça nous aura fait entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Après, c'est vrai qu'il y a des temps de trajet. Il y a un peu de logistique, donc mais on a ça fait tout ce temps-là. Ouais. On est venu à 7. Ouais. Et on est resté 4. Okay. Parce que c'est beaucoup de temps et tout le monde ne pouvait pas rester tout le temps. Mais et donc c'est 3 semaines à Montréal. Ouais. Et donc voilà, on fait une étude croisée avec Nantes. Ouais. Et on va faire 3 semaines à Nantes du 5 au 25 novembre à peu près. Okay. Voilà. Et je pense que Fabien a dû déjà vous expliquer un petit peu. Vous avez échangé avec lui par mail? Pas vraiment. Ben, en fait, un petit peu mécanique surtout, ouais. Mais pas tant que ça. Mais peut-être qu'on devrait attendre que... Tout le monde arrive pour commencer ça, à expliquer. Ouais. Alors, a priori, Robert me disait que l'équipe des paysagistes blancs, ils ont... Non, ils nous ont rendu compte. Ce matin, confirmé, ils vont peut-être pas pouvoir venir. L'équipe, la moitié de l'équipe québécoise, oui. Les paysagistes. Oui. Fabien, il va remonter, il est en bas. Et du coup, ils sont avec Yanis. Je me souviens plus de notre famille. Yanis, oui. Je sais pas, vous la connaissez? Je la connais pas. Pas du tout. Qui du coup était intéressé pour assister, pour qu'il y ait des échanges, pour assister dès 10h à l'échange qu'on va avoir entre nous. Ouais. D'accord. Elle est plutôt docteur en droit, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc nous, comme on a un temps court ici, afin d'avancer rapidement dans notre connaissance de ce nouveau territoire, on invite des experts, à échanger avec nous pour nous aider à comprendre un peu. Le fleuve, son histoire, sa relation montréalais, les aspects biodiversité, les aspects légaux, les aspects... Mais pour reprendre, t'as expliqué ce que c'était que l'appel à projet? Non. Pas encore, non. Voilà. Non, parce qu'on a dit... C'est quoi l'objectif? Oui, voilà. Dans l'ordre. Parce qu'on a dit... Non, mais dans l'ordre, on attend pas deux fois. Bah, vous pourrez le répéter quand elle sera là, parce que... Oui, si elle répète tout de suite. Alors, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Voilà, alors, on a répondu à un appel à projet lancé conjointement par la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire et la Maison de l'Architecture du Québec sur le thème Réhabiter le fleuve. Donc, il y a une double équipe qui a été sélectionnée en France, donc le collectif MIT, dont nous quatre faisons partie, et le collectif Amaniwan, qui était là en début de séjour et qui ont dû repartir. Et 2 équipes ont été sélectionnées, enfin c'est une équipe mais composée de 2 agences à Montréal, donc Ad Hoc Architecture et Vlan Paysagiste. Et donc tous ensemble on doit travailler sur cette thématique de réhabiter le fleuve, à la fois sur le rapport de Nantes et son fleuve et le rapport de Montréal et son fleuve. Donc on a un temps de résidence de 3 semaines à Montréal puis 3 semaines à Nantes pour aborder cette thématique tous ensemble. Et la mener, enfin, c'est libre dans la recherche et le format de restitution. C'est plutôt, on ne doit pas projeter un projet d'architecture concret, une obligation, c'est à nous de... En tout cas, on ne va rien construire. Après, c'est à nous de, suivant les recherches, suivant nos pistes de réflexion, nos découvertes sur le territoire, de choisir le format de restitution de cette tente de résidence. Donc, nous, on est plutôt parti sur une publication, au moins, de ces travaux de recherche et de réflexion. Et ensuite, il y aura aussi une exposition-installation qui aura lieu à Nantes, complètement à la fin des 2 temps de séjour. Mais là, est-ce qu'on parle d'architecture bâtiment, résidentiel, accès aux rives, parc, quel type d'aménagement avez-vous en tête? C'est juste que, justement, nous, on prend un peu plus de recul par rapport à tout ça. Oui. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir tous les aspects qu'il peut y avoir entre la société et l'eau, donc des aspects environnementaux, sociaux, légaux. Disons que notre fil rouge, on va dire, tout au long de notre résidence, c'est de travailler sur ce que nous on a appelé en français, parce que c'est le terme, en tout cas le bien commun, mais on fait pas mal référence aussi au commons en anglais, c'est-à-dire l'eau comme bien commun est notre entrée sur ce travail-là. Mm-hmm. En tant que constitution des villes, constitution de nous, hein, en tant qu'être vivant. Constitutif de l'économie, constitutif d'un certain nombre de choses, du patrimoine naturel. Et ce qui nous intéresse, c'est le point d'un peu d'accroche, c'était au début qu'il y a des lois sur les milieux justement qui sont différentes. On ne considère pas l'eau légalement comme la terre. La terre, on a globalement sur la planète, on est sur la propriété privée, sur l'accaparement, on peut acquérir de la terre. Et le fleuve, on ne pouvait pas acquérir le fleuve, on ne peut pas acquérir la mer. Donc ça, c'est juste un point d'entrée. C'est ce qui nous permet de venir, en fait, ce qu'on voudrait, c'est réinterroger notre rapport justement au commun et notamment à l'eau et s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut apprendre du milieu de l'eau, pourquoi il y a ces lois particulières, pourquoi il n'y a pas ça sur la Terre, et aujourd'hui quels sont je m'avance peut-être un peu, mais en gros comment socialement au niveau de la, il faudrait infléchir peut-être certaines visions du monde sur la manière de s'accaparer les choses parce que qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur la société. Ouais. Au-delà de ça, moi je pense qu'il y a aussi, plus généralement, on s'intéresse aussi à l'eau en tant que milieu, parce qu'on connaît plus les milieux terrestres, et du coup on n'a pas de connaissance sur l'eau en tant qu'élément, le milieu de l'eau, le fleuve, ses fonds, sa constitution, sa biologie, sa faune, sa flore, et comment aussi l'eau en fait infléchit, parce qu'on sait que l'homme, la terre, infléchit le cours du fleuve, mais comment aussi l'eau, l'élément, lui aussi modèle, en fait, interagit. Et ça, on a moins de connaissances sur ce domaine-là, non pas se positionner sur la terre pour regarder le fleuve, mais dans l'eau pour aussi parler de la terre. Sachant qu'en objectif final, on souhaiterait faire des propositions plus concrètes, mais pour ça, il nous faut apprendre plus et pas. Et pas complètement. La résidence dure 6 semaines, donc évidemment, on ne va pas devenir spécialiste dans tous les domaines, mais on essaye d'explorer au maximum, de se renseigner au maximum sur les différents domaines qui touchent à l'eau, à la terre, à ces questions-là. Pouvez-vous me donner un exemple du genre de travail parallèle qui se fait en Loire? Nous, on doit faire en fait ce travail-là sur le Saint-Laurent et Montréal, et ensuite on va à Nantes faire la même chose sur Nantes et la Loire. Oui. Et donc, pour l'instant, enfin, il n'y a pas eu de. Enfin, il y a évidemment toujours des réflexions sur le rapport des villes au fleuve parce qu'ils traversent les villes. Oui. Mais cette résidence, ça a pour vraiment objectif justement ce travail de fond, de recherche, de soulever les questions et de propositions et pas directement d'interventions concrètes de plans d'urbanisme. Ok. Voilà. Gros programme. Oui, gros programme. Et on essaye au maximum de ne pas. Alors, c'est deux contextes très différents, dans les dimensions, les cultures, etc. Mais on essaye de conserver cette. Pour nous, c'est une seule recherche, mais avec deux contextes différents. Deux situations. Voilà. Mais le parallèle aide aussi à faire ressortir les particularités des uns des uns et des autres. Ça, c'est sûr. C'est intéressant aussi, de les mettre côte à côte. Ouais. Prendre du recul aussi, c'est vrai que nous on est pour la plupart nantais et ça nous aide beaucoup à prendre du recul, justement de se mettre en situation d'étrangeté à Montréal, de ne pas connaître ce territoire, mm-hmm. de voir qu'on sait on est dans une autre culture, qui nous permet de réinterroger ainsi comment nous on fonctionne en Europe. Oui. Après, il y a aussi quand même des dynamiques un peu, je pense, communes. On sent qu'il y a des mouvements dans la société sur des grands thèmes de réappropriation des berges, dans les grandes villes. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve autant à Montréal qu'à Nantes, je pense. Il y a un réintérêt de la société, des villes, pour se tourner vers l'eau. Maintenant, pour en faire quoi ? Des usages récréatifs, mais comment considérer le milieu ? Comment considérer sa richesse en tant que patrimoine naturel aussi ? Voilà, on essaye de travailler à réfléchir à des... Si on doit penser en tout cas à des aménagements, on a envie de se projeter un peu dans l'avenir, vraiment de manière un peu globale, et pas juste de dire bon ben là c'est super, on va faire une plage, ou là on va faire un ponton. Pas tant ça qui nous intéresse. On essaye de voir un peu plus large, quoi. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Ça se clarifie doucement. Pour nous, c'est pas complètement clair non plus, parce qu'on sait pas. C'est vraiment un travail de recherche et de compréhension des territoires. Ok. Est-ce qu'il est arrivé ? Non, mais je pense que. De toute façon, c'était indiqué dans l'adresse que c'était Ouais. Le quatrième étage. Ouais, ouais. Le petit site est arrivé jusque-là. Ouais, carrément. Ouais. Bien. Alors, est-ce que. Du coup, on démarre ? On a présenté le travail du collectif. Moi ? Du coup, vous êtes experte en limnologie ? En limnologie, oui. On a un mot qu'on a découvert pour la plupart d'entre nous récemment. Ah ah, bon, d'accord. J'ai d'abord eu une formation en océanographie. J'ai travaillé un peu d'abord au ministère des Pêches, en milieu marin, en dynamique de population d'invertébrés marins, crevettes, crabes, homards. J'étais la personne la plus populaire qui soit, parce que des échantillons de crabes, de crevettes et tout. J'ai travaillé dans l'Arctique et puis il y a 25 ans, je suis revenue en eau douce à Montréal, au Centre Saint-Laurent avec Environnement Canada. Alors, ça fait 25 ans que je travaille sur le Saint-Laurent. J'ai pris ma retraite il n'y a pas tellement longtemps, alors maintenant je suis chercheur émérite. Magnifique. Ça veut dire que je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas demandé avant. Est-ce qu'on peut enregistrer le... Il n'y a pas de soucis. Comme ça, nous, on peut réécouter, puis ceux qui ne sont pas là. Oui. Je ne sais pas si on met là. Oui, c'est bon. Il y en a tellement encore de vous. En arrivant au centre, c'était à l'époque le début du plan d'action Saint-Laurent, un vaste programme... fédéral, provincial, donc entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de Québec, pour réhabiliter le Saint-Laurent et améliorer l'accès aux rives, la qualité de l'eau et toute une foule d'aspects liés à la santé de l'environnement. Les objectifs généraux du ministère, c'est essentiellement redonner aux Canadiens de l'air pur pour respirer, de l'eau propre pour boire, des poissons et des écosystèmes en santé pour pouvoir en profiter. Donc, tous les efforts qui ont été faits dans ce sens-là sont documentés par une agence ou une autre et très souvent en collaboration entre les organismes provinciaux et fédéraux, où je suis. Alors, ça fait abstraction, bien sûr, d'un certain nombre de frictions ou de sensibilités politiques, mais ça... Bref, il y a eu depuis 25 ans, et ça continue, les plans d'action se succèdent, les interventions sur le fleuve ont été nombreuses, et puis on peut dire maintenant, 25 ans plus tard, que la perception par rapport au Saint-Laurent a énormément changé, parce que quand j'ai commencé, la perception était véritablement... « Ah, c'est un égout à ciel ouvert, c'est épouvantable, il n'y a rien à faire avec ça, ta. » Et maintenant, au contraire, c'est vu comme une richesse naturelle, comme un joyau à préserver. Il y a encore des problèmes, bien sûr, mais je pense que le public s'est réinvesti beaucoup dans le Saint-Laurent et le voit maintenant comme un emblème. Alors, c'est très important. Je pense que le changement de perception... les gens sont prêts à payer, à faire des sacrifices pour quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils aiment. Alors, c'est un grand pas, selon moi. c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Ma spécialité, moi, c'est les écosystèmes aquatiques, particulièrement les milieux humides, les plantes, les algues, la plaine inondable, tous les secteurs qui sont colonisés par les forêts, les marécages, et aussi les plantes sous la surface de l'eau. Et on s'est focalisé depuis quelques années sur les services écosystémiques rendus par les milieux aquatiques. Autrement dit, la purification de l'eau, l'assimilation et la transformation des éléments nutritifs, le contrôle du débit du niveau. Et tout ça, ça fait partie, je pense, d'un désir justifier l'utilité des milieux humides. Parce que quand j'ai commencé, on cherchait énormément à préserver les milieux pour leur valeur intrinsèque. Mais maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus dans une dynamique utilitariste. Il faut que ça serve à quelque chose, puis justifions notre existence de cette manière-là. Alors, il y a l'existence de qui? L'existence des milieux naturels. D'accord, ouais, ouais. Parce que, évidemment, en justifiant l'existence des milieux, je justifie ma job aussi. Je suis en conflit d'intérêts, j'avoue. Mais quand même, je pense que c'est indéniable que maintenant, ce qu'on appelait à l'époque les tree huggers, ceux qui embrassent les arbres, ça ne vend pas. Ça ne vend plus. Peut-être que ça a déjà vendu un jour, mais plus maintenant. Il y a aussi l'approche de dire, bon, il y a des menaces à la santé, parce qu'évidemment, de plus en plus, on perçoit l'environnement comme une menace. La menace climatique, la menace d'inondation, la menace des contaminants dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, dans les sols. La menace, dans mon cas, pendant les années Harper, il y avait la menace des cyanobactéries qui produisent des toxines. Et ça m'a tenue à flot pendant de très nombreuses années parce qu'il y a des cyanobactéries dans le Saint-Laurent. De dire, on a découvert des algues toxiques, il faut garder l'œil là-dessus pour la santé publique, etc., ça aussi, ça va. Encore une fois, c'est une autre dimension utilitaire, sauf que là, je trouve que le fait de percevoir l'environnement comme une menace, c'est quand même pas terrible. C'est pas une très bonne raison de garder des milieux naturels. Enfin, c'est une idéologie. Ce que tu mentionnes justement avec ces deux approches-là, c'est qu'en fait, les recherches que tu as pu faire sont financées par justement Les contribuables. Les contribuables, mais sur des objectifs bien précis qui sont plutôt utilitaires parce que c'est la mouvance culturelle actuelle. Ben, oui, puis en fait, moi, étant donné que je suis payée par des fonds publics, gouvernementaux, j'ai des comptes à rendre. Alors, il faut que les travaux que je fais soient justifiables en fonction des objectifs du ministère et ultimement du gouvernement. Ça peut vouloir dire en quoi est-ce que mon travail aide à faire progresser les politiques fédérales en matière de juridiction. Par exemple, un des éléments à mon crédit, c'est que j'ai réussi avec toute une grande équipe de scientifiques à justifier l'inclusion de la déphosphatation des détersifs pour les lave-vaisselle dans la loi sur la limite des phosphates. Alors, il y a un cadre légal pour limiter l'usage des phosphates dans les détersifs. Ça a été fait dans les années 70 pour les Grands Lacs parce qu'il y avait un énorme problème de pollution et d'eutrophisation dans les Grands Lacs. Le Canada et les États-Unis se sont entendus pour bannir les phosphates dans les détersifs en général. Sauf que à l'époque où la loi a été passée, les lave-vaisselle n'étaient pas inclus. Parce qu'évidemment, ils n'étaient pas très populaires, ils n'étaient pas très importants. Mais 40 ans plus tard, on s'est retrouvé avec un sale problème parce que, avec le changement d'utilisation du territoire, les gens se sont mis à s'installer de plus en plus à la campagne et sur les lacs et dans les secteurs qui autrefois étaient de villégiature. Mmh. Ben, les maisons grossissent, le nombre de personnes par maisonnée augmente et là, il y a de plus en plus d'apports de phosphore. Puis les lave-vaisselles contribuaient à l'eutrophisation des lacs dans les secteurs de villégiature. Alors, à partir de 2007, on a vu de plus en plus d'épisodes de cyanobactéries dans les lacs et ça a suscité le changement de la loi. Mais encore fallait-il avoir des informations scientifiques pour le documenter. Alors ça a été des mois et des mois et des mois de travail, puis vraiment, on a rajouté une ligne dans la loi. C'était ça. Bon. Et du coup, l'identification des services écosystémiques à des milieux naturels, cet utilitarisme, il vient dans justement ce... Enfin, c'est une volonté de démontrer que les espaces naturels sont un patrimoine qui sont une ressource, en fait, ou c'est juste qu'il fallait vraiment rentrer dans un cadre... j'ai pas envie de dire marchand, mais économique. Ben, je pense que c'est la mouvance actuelle. Hein. On n'y échappe pas. Pour pas les détruire, il faut qu'on arrive à les rentrer dans notre schéma de lecture du monde. Parce que dans ma lecture, en tout cas, les intérêts économiques priment toujours sur les intérêts environnementaux. Et on en a la démonstration éclatante avec les changements climatiques. On fait business as usual. Et on dit, ah ben, on va mettre ça de côté, c'est pas trop important, ça peut attendre, c'est pas si grave, il n'y a pas de crise, l'économie va en souffrir, mais on est dans la merde, je m'excuse, là. On est dans la merde. On est là, on est entre nous, on peut y aller. Ouais. C'est comme ça. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites, on est dans la merde. Alors du coup, comment on fait? Parce que est-ce que si on arrive à prouver que le patrimoine naturel vaut plus que les conneries qu'on fait économiquement, ça pourrait être une manière de dire ben, on n'y touche pas. Enfin, on fait attention à ces milieux-là, on les détruit pas. Oui. Et du coup, là, c'est dans le bon sens de travail. Ben, en fait, moi, je pense que le monde change constamment. On fait évoluer les mentalités et c'est sûr que maintenant, on est plus avancé qu'on était il y a 40 ans, ne serait-ce que parce qu'on a conscience des enjeux environnementaux, alors que dans les années 60-70, ça faisait même pas partie, c'était même pas sur le radar. Alors, il y a eu une évolution positive. Mais cela dit, étant donné, malgré le fait qu'on fait des efforts, puis je ne doute pas qu'on fasse beaucoup d'efforts, on est dans le paradoxe de la reine rouge. Tout change tout le temps et on est toujours en train de courir après le dernier changement. Prenez l'exemple de l'eutrophisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Dans les années 70, on a fait l'accord sur la qualité de l'eau des Grands Lacs. On a fait d'énormes efforts pour réduire la pollution industrielle et la pollution des villes. On a mis des stations d'épuration des eaux usées. Dans les années 90, on a fait la même chose au Québec partout. Ça a beaucoup réduit les charges et on voit maintenant dans le Saint-Laurent que les charges de phosphore sont moins importantes maintenant qu'elles étaient dans les années 70. Dans le milieu agricole, c'est la même chose. On a fait des efforts, on a mis de la réglementation en place, on a installé des structures pour contrôler l'épandage, on a mis des clubs conseils. Mais la population augmente constamment, l'usage du territoire change constamment, les pratiques agricoles changent, les cultures changent, on a de plus en plus d'agriculture, on a eu un changement historique d'une agriculture qui était extensive avec des prairies, du fourrage, des animaux en liberté sur le territoire, beaucoup d'industries laitières. D'ailleurs, tous les quotas liés à l'industrie du lait, c'est un restant historique de l'importance de l'industrie laitière. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que pour des raisons financières, entre autres, les agriculteurs se poussent vers une agriculture qui est beaucoup plus intensive avec la production de maïs, de soya, de cochons, qui sont envoyés à l'étranger pour maintenir la balance commerciale. Mais ces changements de type d'agriculture, ça entraîne beaucoup de sols nus pendant l'hiver, beaucoup d'érosion, des usages de pesticides, beaucoup plus de d'épandage de lisier, de fumier pour fertiliser, parce que le maïs est très gourmand en éléments nutritifs. Alors, malgré le fait qu'on a fait beaucoup d'interventions pour améliorer la qualité de l'eau, l'industrie continue à progresser et à aller son chemin. Donc, la situation serait bien pire si on n'avait rien fait. Mais on peine toujours, parce qu'on est toujours en train de courir après les changements. Et ça, je pense que ça fait partie de la vie. Puis ça, c'est pareil en France comme ici. D'ailleurs, vous avez peut-être 1000 ans d'avance sur nous, sur le développement, puis sur les problèmes. Mais on s'en va exactement là où vous êtes rendu. Ça, c'est juste une question de temps. C'est pas parce qu'on est plus brillant, c'est parce qu'on est moins nombreux. Ça fait moins longtemps qu'on est là. C'est tout. C'est la seule différence. Peut-être qu'on a un temps d'avance sur le développement et les problèmes où on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Non, parce que les problèmes faciles, on les a réglés. C'est les problèmes difficiles qui restent. Puis ceux-là, ils continuent à évoluer. On est toujours aux prises avec ça. Alors, ce n'est pas unique au Québec. C'est partout dans le monde. Puis encore, on peut se consoler parce qu'il y a des endroits où c'est bien, bien pire. Mais bon, c'est une piètre consolation quand même. Mais comme ça, personnellement, vous, là, on parle de ce plan-là d'action pendant 25 ans. Ouais. Évidemment, ça change tout le temps, mais est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que le fleuve est en bonne santé? Ben, en fait, les problèmes, c'est, je vais vous donner une réponse de Normand. Il y a des affaires qui sont au mieux, il y a des affaires qui sont au pire. et effectivement... le phosphore, les stations d'épuration d'eau usée. Dans les années 90, on a fait d'immenses efforts, ça s'est amélioré. On a redonné l'accès aux rives du Saint-Laurent autour de Montréal. Le vieux port, vous êtes allé certainement faire un tour, ben, il y a 30 ans, c'était des entrepôts, c'était horrible, c'était le port, c'était pas possible d'aller sur le bord de l'eau. Et ensuite, quand ça a été possible d'y aller, il y avait des rejets d'eau usée brute qui filaient constamment. Maintenant, en temps sec, quand il ne pleut pas, on peut se baigner dans le port de Montréal. C'est vraiment uniquement lorsqu'il y a des épisodes de pluie intense qu'on a des débordements qui font en sorte que les comptes de coliformes sont trop élevés. Il pourrait y avoir des plages autour de Montréal. Si ce n'était pas des événements de pluie qui nous amènent des coliformes et des rejets, des surverses qui sont très spectaculaires, mais ça reste des événements relativement ponctuels et faciles à prévoir. Vous dites oui. Juste rejet et surverse, c'est parce que c'est soit c'est que je comprenne bien quand il y a une forte pluie, soit c'est le réseau qui n'arrive plus à accepter, parce qu'on a beaucoup entendu parler hier encore, rencontrer des gens, ce fait qu'apparemment il y a eu un événement marquant. Oui, le flush gate. Et tout le monde. Oui. Voilà, ce qui s'est passé, regardez, on a ici une usine à Pointe-aux-Trembles qui est la station d'épuration des eaux usées de Montréal, qui est une des plus grandes en Amérique du Nord. 30 mètres cubes secondes, c'est probablement plus grand que bien des rivières chez vous et ici aussi. Il y a un immense collecteur qui longe la rive sud, qui a été bâti, qui récolte toutes les eaux usées de toutes les villes. Un autre, ici, le long de la rive nord. Tout est acheminé à la station d'épuration, qui est vraiment colossale. Et les rejets sont envoyés ici, près de l'île aux vaches. Ça, en temps sec, tout va très bien. Tout s'achemine et ça donne à peu près 30 mètres cubes secondes. Bon an, mal an. Cependant, il y a une grande partie du réseau, particulièrement dans les vieux quartiers, qui n'est pas séparatif. Autrement dit, les eaux de pluie et les eaux usées domestiques vont ensemble dans le réseau. Et ça fait en sorte que lorsqu'il y a des gros événements de pluie, le système devient complètement débordée, littéralement. Et à ce moment-là, il y a des systèmes de clapets qui font en sorte que les eaux sont évacuées directement au fleuve pour éviter que la station soit submergée. C'est dans ces conditions-là que des surverses se produisent et que la qualité de l'eau est dégradée. Mais le flush gate qui s'est produit en novembre 2015, je pense, 2016, en tout cas, ça a été il fallait faire des réparations au système. Il y a eu toutes sortes de tractations entre la mairie de Montréal et le gouvernement provincial qui devait donner l'autorisation de faire des rejets directs sans traitement. Il y a eu beaucoup de cafouillages, en tout cas, bref. Toujours est-il que le maire de l'époque s'est tanné, puis il a dit « Ok, on fait les travaux, puis au diable les détails. » Et là, il y a eu des rejets pendant peut-être 2 semaines, je pense. Ah oui. Et ça a été le tollé, ça a été le scandale, ça a été l'horreur. Mais bon... C'est les gens de Montréal qu'on criait au loup. Ben non, c'est ceux qui vivent en aval. Voilà, je veux bien qu'on soit d'accord. Mais en fait, les gens de Montréal étaient aussi horrifiés parce que c'est quand même terrible. Oui, qu'on rejette dans l'eau. Mais bon, ça a été fait en novembre, au moment où les gens sont pas sur les plages, où les gens vont pas trop proche de l'eau, il n'y a pas trop de kayak, il n'y a pas trop de surf, il n'y a pas trop bon. Et aussi, c'est la fin de la saison de croissance, donc il n'y a pas non plus trop d'impact sur les plantes et tout. Puis, à vous dire franchement, les 2 semaines de surverse qu'on a eues pour la ville de Montréal, ben, c'était l'équivalent de plusieurs de nos tributaires agricoles, bon an, mal an, à chaque seconde de 365 jours par année. Et ça, il n'y a personne qui crie au meurtre. Alors, tout étant relatif... Bon, c'est dommage que ça soit arrivé. Pour l'image de marque de Montréal, ça a été une vraie catastrophe. Mais en termes environnementaux, écoutez, on est dans une rivière. Quand on ouvre le robinet, c'est sale. Quand on ferme le robinet, au bout de 2 semaines, même pas 10 jours, c'est propre. Alors, bon. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça que je voulais. Il faut relativiser les choses. Et dire, par contre, quand il pleut, vous disiez aussi, il y a le flush gate, enfin, c'est le problème de rejet, mais il y a. Voilà, quand il pleut, agricole, par exemple. Il pleut à peu près 90 jours par année, ben 90 jours de temps, on a des surverses. Et entre nous, soit dit, l'eau qui sort à l'île aux vaches après le traitement, ben, c'est un traitement primaire, assez sommaire. C'est pas de l'eau potable hein, qu'on rejette. Mm-hmm. Alors, il y a des coliformes, il y en a en masse. Et puis, il reste encore tout un tas de trucs dans les eaux usées. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, c'est justement ça, la question. On s'occupe des problèmes de pathogènes parce qu'on réduit les rejets. On s'occupe des problèmes de phosphore, de turbidité excessive, de demande biologique d'oxygène. Ça, c'est les paramètres qui sont régulés par la loi à la station et à toutes les stations qu'il y a ailleurs au Québec. Mais on ne s'occupe pas des pharmaceutiques, des produits de soins personnels, de tous les produits... Il y en a, les retardateurs de flammes, enfin, tu sais, c'est tout le tableau périodique qui passe. Très souvent, il s'agit de produits qui sont en très, très faible concentration, qui ont des effets chroniques à long terme, très insidieux, parfois épigénétiques, qui se changent de génération, et sur lesquels il y a c'est un cocktail, hein, il y a des interactions, on ne sait pas ce que ça va être. Puis ils ne sont pas éliminés à la station de filtration. Et justement, dans l'histoire un peu du traitement des eaux usées, etc., on a aussi reçu une historienne qui nous a un peu raconté aussi comment ça s'est passé, comment le système d'assainissement de l'eau à Montréal a évolué. Et il y a eu depuis, du coup, longtemps, cette question de rejet des eaux sales dans le fleuve. Et ça passait par le filtre de la dilution, disons. Oui, c'est ça. Et ce principe est depuis longtemps là. Sauf qu'il est de plus en plus réglementé pour qu'en fait ce soit une proportion de dilution correcte. Ben Et justement, est-ce que c'est valable de ce principe même dans son fondement? Parce que même si c'est à trèfle, si on le dilue, etc., ça rentre quand même dans le cycle de l'eau. Oui. Qu'est-ce que deviennent toutes ces je sais pas les termes, hein, mais toutes ces choses qui restent dans l'eau qu'on ne traite pas? Oui. Qu'est-ce? Ben, elles sont. Il y a plusieurs voies possibles. Hein. Elles peuvent être transformées, assimilées par les organismes. Elles peuvent être larguées vers l'atmosphère, comme l'azote, par exemple, la dénitrification. Elles peuvent s'accumuler dans les sédiments. Si elles ont une grande polarité et une affinité pour la phase solide, elles vont sédimenter. Elles peuvent rester en solution dans l'eau. Et à ce moment-là, toutes les stations d'eau potable qui sont situées en aval vont les prendre. Et étant donné qu'on fait de la filtration sous sable et une chloration pour éliminer les pathogènes, il est fort possible qu'il y en ait des traces qui passent dans l'eau potable. Alors, il y a tout un tas, une gamme de venir. Il y en a qui peuvent être assimilés par les organismes, parfois sans effet, parfois avec des effets. On a des écotoxicologues chez nous qui sont... à Environnement Canada, on a ce qu'on appelle le plan des produits chimiques. C'est un groupe de scientifiques qui fait le dosage et les études écotoxicologiques sur une liste de 30 000 contaminants qui sont susceptibles de se retrouver un peu partout dans l'environnement. Et leur mandat, c'est de dire, bon, est-ce qu'il y en a, combien, à quel endroit, est-ce que c'est toxique, qu'est-ce que ça donne? Mais 30 000 contaminants, vous vous rendez compte? Un contaminant, ça peut utiliser une équipe pendant des semaines et des mois et des années. Alors 30 000, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis si on joue au chat et à la souris avec l'industrie, parce que ce sont des recettes qui sont secrètes, brevetées souvent. Alors, on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors, vous voyez l'idée? Oui. Avec les pesticides, c'est pareil. Il y a de la rotation de pesticides pour faire en sorte que les plantes nuisibles et les insectes nuisibles ne s'accoutument pas, ne deviennent pas résistants. Et on connaît la liste des pesticides généralement utilisés, mais on a une idée générale de quand l'épandage a lieu, mais on ne sait pas exactement quelle substance, à quel endroit, à quel moment. Et nous, les caves, on s'en va à l'embouchure des rivières, puis on mesure en se disant, bon, ben, à un moment donné, on va prendre le pic. Parce qu'il faut qu'il y ait le timing entre l'épandage, puis la pluie, puis le moment où on échantillonne. Mais si on échantillonne une semaine trop tard ou une semaine trop tôt, on manque le pic. Bonjour. Et encore là, on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors, du coup, ça fait faire des analyses dans toutes les directions, etc. Et ça coûte une fortune. Les analyses de contaminants organiques, ça coûte une fortune. Du coup, ça veut dire qu'en gros, la recherche sur la qualité de l'eau, globalisée, vient déjà en aval. On est toujours... C'est ça. Sur les effets de conséquences, en fait. Oui. Et après, pour pronostiquer des petites mises à jour pour suivre le développement industriel. Oui. On est toujours à la remorque de tous les changements qu'il y a dans l'industrie. Et vous pouvez être certain qu'aussitôt qu'on bannit une substance, il y en a déjà 4 sur les tablettes qui sont prêtes à sortir. Et comme avec les néonicotinoïdes, on a affaire à des substances qui sont appliquées avec des concentrations de plus en plus faibles, mais qui sont de plus en plus toxiques. Et c'est non seulement la substance elle-même, mais les produits de dégradation. Parce qu'une fois qu'elle est dans l'environnement, la substance, elle est dégradée, coupée, les molécules sont scindées, etc., etc. Puis là, les produits de dégradation peuvent être plus toxiques que le produit original. Ah ouais. Ça arrive avec les pharmaceutiques, entre autres. Des choses aussi banales que l'ibuprofène ou certains antidépresseurs qu'on retrouve dans les effluents, ça devient un casse-tête terrible. Ça devient un poison de quoi? C'est déjà pas très bon pour la santé au départ. Oui, on entendait, il y avait tout un débat aussi en Europe sur, sur la pilule aussi. Oui, ah, les oestrogènes, c'est formidable ça, les oestrogènes. Les imposteurs endocriniens et puis toute la panoplie des substances organiques qui viennent monopoliser des sites pour réagir aux hormones spécifiquement. On observe la féminisation des poissons puis des moules qu'on récolte dans l'effluent de la ville de Montréal. Est-ce que ça allume une lumière dans votre tête, ça? Si ça fait ça aux poissons... Mais nous, Environnement Canada et Changement climatique Canada, notre expertise s'arrête lorsque l'eau entre dans les systèmes de pompage pour l'eau potable. D'accord. Ah oui, pas sur le milieu naturel en lui-même. Sur le milieu naturel. Mais à partir du moment où quelqu'un me demande quels pourraient être les effets de toutes ces substances que vous mesurez un peu partout sur les humains, c'est pas mon rayon. Okay. Santé Canada, puis les affaires municipales, puis il y a tout un tas de ministères qui se partagent les différents aspects de la juridiction. Parce que, en fait, c'est dommage que la juriste ne soit pas là, parce que la juridiction ici, en termes légaux, c'est un vrai cafouillis, c'est l'enfer. Elle en sait probablement bien plus que moi, mais c'est pas jojo, hein. D'accord, wow, bon. OK. Vous suivez? Ouais, ouais, je suis bien. C'est, Bon, attachez vos trucs. Là, c'est... Ouais, il se passe plein de choses, quoi. Oui. Il se passe plein de choses. Mais ça, bon, ça, c'est en termes de qualité de l'eau. En termes de quantité d'eau, maintenant. Ah! Ça, c'est aussi, c'est amusant. Parce que... OK. Les grands lacs sont en amont du système fluvial. À Cornwall, ici, vous avez un très grand barrage qui s'appelle Moses Saunders, qui est la responsabilité partagée de l'Ontario et des États-Unis, qui produit de l'hydroélectricité, bien sûr, mais qui est aussi la structure de contrôle du niveau du lac Ontario et du débit du fleuve. Parce que le fleuve est régularisé. Évidemment, lorsque le système a été mis en place au début des années 60, on a mis toute une série d'écluses pour permettre de traverser les rapides de la Chine, qui sont ici. Est-ce que vous êtes allé à la salle où il y a notre station de pompage? Enfin, on est allé un peu plus haut. Magnifique. On était encore avec Alice au parc des rapides hier. Au parc. Oh, c'est beau, hein? Oui, ouais. Très beau. C'est magnifique. Très, très beau. On n'est pas allé jusqu'au pont en face de la réserve Kanawaki, mais. Oui, mais quand même. Ici, on est allé jusque-là. Ouais. Alors, vous avez vu. Là, c'est là que Jacques Cartier s'est arrêté en pensant qu'il s'en allait en Chine. Bon, voilà. il était mal parti, le pauvre. Il y avait un petit sur le chemin. Alors, pour permettre la navigation, donc, de l'autre côté du fleuve, on a mis une série d'écluses qui commence à Saint-Lambert. Et vous voyez ici au sud, là, c'est le canal avec l'écluse de Sainte-Catherine qui était juste en face, qui nous amène au lac Saint-Louis. Puis ensuite, le canal de Beauharnois, encore des écluses ici pour traverser le barrage de Beauharnois. Qui nous amène au lac, puis ensuite une série d'écluses, tout ça, bon, on se rend jusqu'au lac Ontario, puis éventuellement jusqu'au bout du lac supérieur à Duluth, au Minnesota. Alors c'est vraiment une voie de navigation extraordinaire, énorme. Commercialement, c'est super important. Mais là, évidemment, il a fallu faire des structures de contrôle. Ça marche? Si, c'est moi qui ai... Pardon. OK. Tout va bien. Et il y a eu un plan de régularisation du débit sortant du lac Ontario vers le fleuve qui a été mis en place dans les années 60. Et ça visait surtout à stabiliser le niveau du lac Ontario pour faire en sorte que les résidents ne subissent pas d'érosion, ne subissent pas d'inondations, etc. Mais ça ne tenait compte que de la sécurité publique. Pas d'inondation ni en amont ni en aval, la production d'hydroélectricité et la navigation commerciale. Et l'eau potable, un petit peu. Protéger les sources d'eau, les prises d'eau potable. Dans les années 90, il y a eu, et ça c'est géré par un organisme binational, Canada-US, à égalité des votes, par consensus. Le plan a été revisité entre 1999 et 2017, je pense. Le nouveau plan a été mis en place en 2017. Alors, ça a été 20 années d'études auxquelles j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup participé parce que pour, encore une fois, un très bon changement positif de mentalité, ils voulaient modifier le plan de telle sorte qu'il tienne compte des intérêts de la récréation parce qu'il y a évidemment beaucoup de plaisanciers un peu partout dans le système, qu'il tienne compte de l'environnement, particulièrement des milieux humides, pour faire en sorte que on gère les niveaux d'eau pour faire assurer la perpétuation des milieux humides, mais tout en respectant les intérêts historiques de navigation, évidemment de sécurité publique, et puis d'hydroélectricité. Alors, ça a été un immense travail où tous les représentants des différents groupes d'intérêts se sont mis autour de la table puis ont commencé à discuter quels étaient leurs besoins. Et éventuellement, on est arrivé avec un plan qui représentait le compromis acceptable, le moins mauvais pour tout le monde. Alors, c'est un peu ça la démocratie. Tout le monde est modérément mécontent, mais peut vivre avec la solution, le plan. Et selon moi, ça a été un énorme progrès parce que ça a permis de tenir compte des intérêts de l'environnement, parce que l'environnement ne vote pas. Alors, on n'en a jamais tenu compte auparavant. Ça a été vraiment une grande première. Et là, on est en train de documenter les effets, espérons, positifs sur les milieux humides, parce que maintenant, le plan fait en sorte que le niveau du lac Ontario n'est pas stabilisé, mais varie dans une fourchette qui lui permet de suivre les apports en eau au bassin. Mmh. Autrement dit, les années où il pleut beaucoup, ben, il laisse monter le niveau du lac Ontario. Les années où il n'y a pas beaucoup d'eau, il laisse baisser le niveau du lac Ontario. Et le débit du fleuve suit en conséquence. Parce que autrefois, pour garder le niveau stable, quand il ne pleuvait pas, il gardait l'eau dans le lac Ontario puis le fleuve était hyper sec. Ah oui. Et quand il pleuvait beaucoup, ben, il nous renvoyait le surplus puis là, on était inondés comme des fous. Alors, c'est une gestion qui dépasse les frontières, qui est sur tout le bassin versant du Saint-Laurent. Mais c'était comme ça à partir des années 60, mais maintenant, la manière de gérer a changé et ça s'est fait conjointement entre le Canada et les États-Unis. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, la frontière Canada-États-Unis, c'est le fleuve et les Grands Lacs. Donc, il faut avoir les Américains à bord. La beauté de l'affaire, c'est que l'accord transfrontalier a été fait au moment où le Canada était sous couronne britannique. Donc, l'idée d'avoir un nombre égal de votes et un consensus, ça vient du fait que la couronne britannique, à l'époque, était beaucoup plus forte que les États-Unis. Et maintenant, ça ne pourrait plus se faire de cette manière-là. Alors, tant mieux, espérons que ça va continuer à être comme ça. Mais c'est des nominations politiques. Toujours. Alors, c'est une organisation qui fonctionne quand même bien. Puis, c'est dans l'ombre, parce que quand tout se passe bien, on n'en entend jamais parler. Mais par contre, en 2017, justement, on a eu des apports d'eau records au bassin. Pour éviter que Montréal se fasse complètement inonder, ils ont beaucoup réduit les débits sortants à Cornwall, de telle sorte que la crue de l'Outaouais a pu passer et minimiser les inondations, parce qu'il y en a eu, il y en a eu, mais ça aurait été bien, bien, bien pire si il n'y avait pas eu le contrôle en amont. Mais pendant ce temps-là, l'eau s'accumulait dans les grands lacs, puis les gens là-bas criaient au meurtre parce qu'ils avaient peur de l'érosion puis de l'inondation chez eux. Alors c'est toujours, on gère l'eau qu'on a, mais on ne peut pas à la fois plaire à l'amont et à l'aval. Alors on est toujours en train de ménager la chèvre et le chou. C'est assez remarquable. Ouais. Mais globalement, le système de régulation hydrique, des niveaux, etc., fonctionne bien. Oui, il fonctionne bien. Et le fait d'avoir un nouveau plan, ça a éliminé l'arbitraire. Parce que, prenez par exemple le cas où on avait une sécheresse en septembre. Ben, on avait un tas de bateaux qui se ramassaient à Trois-Rivières. Il n'y avait pas assez d'eau dans le lac Saint-Pierre pour passer. Alors là, il y avait un petit coup de téléphone. Ah, bon, laissez donc passer un peu d'eau, là, parce qu'on a besoin de faire passer quelques navires jusqu'à Montréal. Allez hop, on ouvre le robinet pendant 3 jours. Les bateaux passent. On referme le robinet. Alors, vous vous imaginez ce que ça fait, ça? Pour l'écosystème, c'est abominable. On ne peut pas faire ça, vraiment. Vous avez des organismes qui vivent dans la plaine inondable. Tout à coup, ils ont leur habitat, ils se sont installés, puis hop, pendant 3 jours, il y a 1 mètre d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on perd la cohorte, c'est tout. Alors, ce genre d'arbitraire-là, qui était de plus en plus fréquent, parce que le plan ne suffisait pas à la variabilité climatique, théoriquement, il devrait être beaucoup, beaucoup moins fréquent maintenant. Et comme avec les changements climatiques, on va vers des conditions de plus en plus erratiques, puis de plus en plus aléatoires, puis des extrêmes un peu folles, c'est important d'avoir un outil qui nous permet de gérer sans arbitraire. Donc le nom du service qui gère ça s'appelle la commission mixte internationale. Commission mixte internationale. Puis c'est parce que la commission mixte a tous les bassins versants qui traversent la frontière canadienne américaine. Ouais. Et puis la mission globale, c'est de faire en sorte que les activités d'un côté de la frontière ne nuisent pas à l'aval de l'autre côté de la frontière. Alors des fois il y a des rivières qui partent des États-Unis qui viennent au Canada, mais il y en a comme le Columbia par exemple qui commence au Canada, qui se termine aux États-Unis. Puis dans ce cas-là, ben, si on faisait de la pollution, si on retenait l'eau, si peu importe, il ne faut pas nuire à l'autre côté. Puis à ce moment-là, c'est l'organisme qui décide, qui régule. Et est-ce que, une question pour revenir juste sur la pollution, ouais. Est-ce que, parce qu'il y a des zones, dans mon imaginaire, il y a beaucoup de zones industrielles aussi aux États-Unis, près des Grands Lacs, ville de Chicago, Détroit, c'est quand même des bassins. Détroit, je sais qu'on avait rencontré un Montréalais là, qui nous disait non, mais il n'y a pas de problème parce que c'est tellement loin que ça s'est filtré dans le sable, il disait. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est un fait que les Grands Lacs, là, c'est extraordinaire parce que c'est un immense bassin de sédimentation. Alors vous avez très souvent, surtout les zones industrielles, les polluants, très souvent ont des affinités pour les particules. Et le fait que le temps de résidence dans les grands lacs soit si grand, ça fait en sorte que les particules qui sont très souvent contaminées ont tendance à sédimenter dans le fond. Alors, c'est remarquable parce que le Saint-Laurent, pour un fleuve de cette taille-là, il est extraordinairement clair. Vous regardez n'importe quel fleuve d'une taille comparable, le Parana, le Rio Negro, les grands fleuves sud-américains, le Brahmapoutre, peu importe, ils drainent souvent des massifs montagneux et ils ont des eaux extraordinairement turbides quand ils atteignent 7000, 10000 mètres cubes seconde. Alors que quand le Saint-Laurent naît à Kingston, il sort des grands lacs. On peut voir le fond comme ça. la hauteur du plafond, on voit le fond. C'est extraordinaire. C'est d'une clarté, c'est d'une limpidité unique au monde. Mais il est énorme. Alors, ça fait en sorte que l'écologie du Saint-Laurent est très particulière. On ne peut pas nécessairement le comparer directement avec d'autres fleuves de la même taille à cause de sa clarté. Ah. Du coup, on parle beaucoup de l'eau. Est-ce que la pollution... Là, tu évoques le fait que ça se sédimente, que la pollution vont dans les sédiments. Ouais. Donc, on parle beaucoup de la qualité de l'eau, mais ouais, les sols, est-ce que c'est du coup cette pollution est retravaillée, se décompose, ou est-ce que c'est toujours présent dans les fonds? Du coup, c'est un peu une ressource de pollution. L'affaire, c'est que ça dépend des contaminants. Il y en a qui sont carrément enfouis, qui sont emprisonnés, les métaux, entre autres, qui sont emprisonnés. Par contre, le phosphore, lui aussi a une très grande affinité pour les sédiments. Mais lorsqu'on a une couche de fond qui est anoxique, le phosphore est désorbé des sédiments et est relargué dans l'eau du fond. Alors, ça, c'est une des raisons qui explique les gros problèmes qu'ils ont au lac Érier, un des grands lacs, parce qu'il y a ce qui s'appelle une zone morte au fond du lac Érier où l'oxygène est en très, très faible concentration, ce qui fait en sorte que le phosphore est relargué des sédiments et revient contribuer à la prolifération de cyanobactéries au lac Érier. Puis je ne sais pas si vous avez vu des images satellites, là, mais il y a des floraisons de cyanobactéries absolument spectaculaires qu'on voit de l'espace. Ah, oui, oui. Et c'est des cyanobactéries toxiques, à tel point qu'il y a 2 ans, je pense, ils ont été obligés de fermer la station d'eau potable de Toledo dans l'État de New York. C'est une grande ville, là, c'est une couple de millions d'habitants. Alors, vous vous imaginez l'horreur? Et ça... En plus, ils ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent même dire s'ils arrêtent. Et c'est comme c'est dans le fond du lac, ouais, ils n'ont aucun contrôle là-dessus. L'affaire, c'est que, vous savez, l'eutrophisation, c'est un peu comme l'obésité. Hein? On ne devient pas obèse parce qu'on mange un morceau de gâteau au chocolat. Mais on ne redevient pas mince du jour au lendemain. Alors, il faut, pour éliminer les problèmes qui sont stockés, la surfertilisation des sols, le phosphore stocké dans les sédiments, ça prend des années, des années, des années, des années d'efforts. Mais il faut commencer par arrêter la source. Et au niveau de l'agriculture, on parlait tout à l'heure des changements entre extensif vers l'intensif. Oui. On voit, exemple, hein, là, on a vu entre Montréal et Québec, beaucoup de zones agricoles tout le long du fleuve, en fait. Hein. Énorme. Oui. Maïs, soya. Maïs, cochon, poulet, pas mal ça. Ouais. Et ça, c'est aujourd'hui, il y a des impacts directs sur les populations locales, sur l'utilisation des pesticides. Il y a des débats. Beaucoup. On tire à boulet rouge sur l'agriculture. Alors, les agriculteurs sont véritablement sous la lorgnette, ils sont au banc des accusés, littéralement. Et eux se disent, écoutez, regardez les surverses à Montréal, regardez les apports urbains, ils se défendent comme ils peuvent. Mais effectivement, l'agriculture compte pour une des principales sources de phosphore et d'azote au territoire. Ça, on ne peut pas le nier. Mais d'un autre côté, comme je vous disais tout à l'heure, la situation serait bien pire si on n'avait rien fait. Oui, bien sûr. Puis le problème avec l'agriculture, contrairement à ce qu'on a à l'île de Montréal, par exemple, l'île de Montréal, c'est, à la limite, ça devient une solution d'ingénierie. Parce que, on fait un immense collecteur, on fabrique une usine, on a un tuyau, on traite. C'est possible parce que c'est une source qui est ponctuelle. Dans le cas de l'agriculture, ce sont une multitude de sources diffuses. Chaque parcelle, chaque champ, le territoire est immense. On a des milliers de producteurs agricoles. Et au niveau de chaque champ, le problème peut être différent. Ça peut être un décrochage de talus, ça peut être le curage des fossés qui est mal fait, ça peut être le système de drainage qui est déficient, ça peut être X, Y, Z, autre raison. Et là, ça veut dire qu'il faut que les solutions s'appliquent parcelle par parcelle, terrain par terrain, producteur par producteur. Vous imaginez le travail, vous? C'est énorme. C'est pour ça que c'est si difficile. Alors, on a beau dire, oui, effectivement, on a mis des structures pour entreposer le lisier, de telle sorte que le lisier de cochon n'est pas garoché. Je ne sais pas si vous êtes allé vous promener à la campagne, des fois, ça pue, c'est épouvantable, parce qu'ils sont obligés de répandre le lisier sur les champs. Pas terrible pour le tourisme. Mais, d'un autre côté, il faut bien qu'ils fassent quelque chose avec. Puis, étant donné qu'il y en a sur chaque ferme, c'est pas comme avoir une usine d'épuration centrale ou des citadins. Alors, vous voyez, le problème se pose différemment. Très différemment. Puis bon, pour renvoyer la balle dans votre camp, là, en France, on a des problèmes de pollution aux nitrates dans la nappe phréatique. Les nitrates migrent dans les sols. Donc, même si on arrête demain matin, hypothétiquement dépendre des nitrates sur les sols, la migration va continuer à se faire encore pour des dizaines d'années. On a des problèmes de contamination aux coliformes, aux pesticides. C'est quoi le coliforme? Les coliformes, c'est des bactéries qui sont générées par le tractus digestif humain. Ah, d'accord. et animal, vertébré sans chaud. D'accord. Alors, c'est là qu'on s'en va. Puis ce qui est très drôle, c'est que ici, dans la rivière Yamaska, qui est ici, là, qui est notoirement la plus polluée du Québec, ici, là, qui tourne ça, hein? Yamaska, elle draine des terres agricoles à la grandeur. Lorsqu'on mesure 2 mg par litre d'azote, de nitrate dans l'eau, nous, ici, on crie au meurtre. Ben, 2 mg par litre en Europe, c'est « wow, ça va bien, on est content ». Parce que des fois, ils se mesurent des 20, puis des 20, 30, 40 mg par litre d'azote. Et ça, c'est dû à la... C'est l'intensité. L'intensité, l'inertie, l'azote dans la nappe phréatique, le système de drainage et tout. Quand ça fait 1000 ans qu'on cultive un terrain, là, c'est pas pareil que quand ça fait à peine 100 ans. Hein? Et en plus, est-ce qu'il y a une différence aussi au niveau hydrique? C'est-à-dire que tu mentionnais les nappes phréatiques. Est-ce que là, on a beaucoup de nappes phréatiques ou est-ce que c'est justement ces réservoirs des grands lacs principalement? Ben, l'affaire, c'est que le fleuve coule dans la vallée du Saint-Laurent. D'ailleurs, je vous ai envoyé un petit quelque chose là-dessus hier, je pense. Qui est l'ancienne mer Champlain, qui est tapissée d'argile glaciaire. Donc, ça représente une couche imperméable. Ce qui fait que les apports d'eau souterraine au fleuve sont relativement faibles. C'est pas du tout comme des bassins karstiques ou des bassins calcaires comme vous en avez en Europe, où là, les apports de souterrains sont très, très, très importants. Ici, on a beaucoup de nappes qui sont captives, des nappes d'eau qui sont très anciennes, mais qui n'ont pas beaucoup de renouvellement. Parce que le réseau souterrain, qui est encore très, très mal connu, là, ici, c'est on est dans l'enfance là, de la compréhension des nappes souterraines, mais quand même, c'est beaucoup moins important que ça peut l'être dans certaines régions de l'Europe. Parce que l'argile est plus étanche. Et... Oui, c'est tout simplement une question de géologie, de pédologie, de la manière dont les sols ont été formés. Donc, alors, c'est la nature du territoire qui fait ça. Et du coup, vous voulez extraire un peu d'argile du lac Saint-Laurent? Est-ce que premièrement, on a le vent? Est-ce que deuxièmement, on peut en prélever et du coup où? Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques? Ben, en fait, moi je connais certains endroits où on peut en avoir, mais il faut y aller en bateau, c'est ça l'ennui. Mais si j'étais vous, là, j'irais me promener le long des rives ici, Varennes, Verchères, puis descendre le long de la rive, et puis vous allez possiblement en trouver. Parce que je sais qu'ici, le long des îles de Verchères, dont les rives sont intactes, l'ennui, c'est ça, c'est quand on est sur le bord du fleuve, il y a beaucoup d'enrochements, il y a beaucoup de structures, des murs, des ci, des ça. Mais si vous avez accès, aussitôt que vous descendez, vous allez voir, il y a des grandes traînées blanches. Ça, c'est l'argile qui se dissout. Puis si vous y allez en botte, il y a de quoi se casser la gueule parce que c'est comme du savon. Ouais, c'est vraiment très, très, très glissant. Alors, moi, j'irais faire un tour dans ce coin-là. C'est très joli, en plus. Et puis là, ben, vous prenez une pelle puis vous en ramassez. Et ça, c'est compliqué. Il n'y a personne qui va vous déranger. Est-ce qu'il y a une différence entre l'argile qu'on trouve dans le... Donc, c'est principalement le fleuve, mais aussi donc, la rivière Outaouais. Là. Est-ce qu'il y a une différence de sol aussi entre les deux? Sûrement, mais ça, je connais pas ça assez. Ouais. Je ne sais pas. Et du coup, là, on est en aval de tout le déversement. Ouais, mais le déversement, il a été placé ici. En fait, justement, à peu près ici, même. Je pense même que c'est cette station-là. Et il a été positionné, ça, les ingénieurs ont été brillants, parce qu'il a été positionné dans le centre du fleuve, juste au nord de la voie maritime, de telle sorte qu'il ne se mélange pas avec la voie maritime. Mais on est capable de suivre le panache qui est assez loin au large, qui longe les îles de Verchères, puis qui se déplace jusqu'au lac Saint-Pierre. Mais de toute manière, si vous n'êtes pas dans le panache de Montréal, il y a deux grosses stations de filtration pour la ville de Laval qui sont dans la rivière des Prairies. Et puis, en aval de la rivière de l'Assomption aussi, le long de la rive, ça va. En fait, je pense que votre meilleure alternative, c'est ici. Parce que c'est probablement là que l'eau est la meilleure, en tout temps. Je me demandais s'il y avait eu une étude, parce que quand on parle de milieu naturel, comme vous l'avez bien évoqué, c'est il y a l'eau, il y a également donc, les sédiments. Uh-huh. Est-ce qu'il y a des études faites avec des spécialistes Oui, bien sûr. Parce qu'on a chez nous un géochimiste puis un sédimentologue qui fait des dosages dans les sédiments à différents endroits, puis qui suit l'amélioration. En fait, particulièrement dans les lacs fluviaux, il y a des zones de dépôt temporaires et il y a des diminutions du mercure, de plusieurs métaux, mais évidemment, il y a d'autres substances qui apparaissent, bien sûr, les contaminants, surtout les retardateurs de flamme, les PBDE. D'autres. C'est très intéressant parce qu'on voit dans les sédiments, on est capable de reconstituer l'historique de l'utilisation puis du bannissement de certaines substances. Le plomb dans l'essence, par exemple. On voit que les doses très importantes de plomb, puis à partir du moment où ça a été banni, ça a disparu dans les couches récentes. Même chose avec les BPC qui disparaissent. Le BPC, c'est biphényl polychloré. Ça fait partie, c'est des composés organiques qui servent de stabilisateur dans les huiles de transformateurs électriques. Okay. C'est dans tout le réseau de distribution pour faire en sorte que la température reste très stable. Mais il y en a partout. Et le gouvernement ne peut pas intervenir en disant, mais voilà, nous avons vu après quelques études que ça avait un impact négatif sur nos besoins vitaux. Mais est-ce que le gouvernement peut intervenir en mettant des amendes à ces industries-là? Dans certains cas, oui. Il y a un groupe chez nous qui va sur les lieux des différentes industries, qui va faire des prélèvements de leur effluent au fleuve et qui le ramène chez nous au laboratoire, puis qui fait des tests de toxicité avec des truites arc-en-ciel. Et ce qu'on appelle des tests légaux, ce qui peut amener à une preuve qui est faite en cours pour décerner des amendes à certaines industries. Mais encore une fois, on joue au chat et à la souris, hein, parce qu'il suffit qu'ils aient décidé de lessiver les cuves la semaine d'avant, ben on a tout manqué, ou de diluer. C'est vrai, ça, solution to pollution is dilution. Et, ce qui est aussi insidieux, c'est que on est toujours en amont de quelqu'un puis en aval de quelqu'un d'autre. Alors, on retrouve des traces de glyphosate dans l'eau cristalline qui nous arrive du lac Ontario. Ben, c'est du glyphosate, c'est un herbicide qui a été utilisé en Ontario puis aux États-Unis, qui est dissous, qui arrive chez nous. On a, des teneurs en nitrate qui ont beaucoup augmenté depuis les 40 dernières années. Ben, il n'y a pas de réglementation sur le nitrate. Il n'y a pas d'effet à court terme négatif sur les milieux aquatiques. Cependant, lorsqu'il est exporté vers l'estuaire, la production primaire dans l'estuaire, en milieu marin, est limitée par le nitrate. Donc, les conséquences de ce qu'on fait ici, de ce qu'on rejette ici, se manifestent à 500 km en aval. Et là, c'est l'anoxie, c'est l'acidification de l'estuaire, c'est les bélugas. Oui? Alors, on a tendance à voir le système comme des petites unités géographiques, mais dans le fond, on parle de tout un immense bassin. C'est la même chose en France. Les problèmes qu'il y a sur l'eutrophisation des estuaires en Bretagne, un peu partout, là, c'est affolant. Je peux en parler. Oui. On est deux Bretons, Andreas et moi. On a grandi là-bas, du coup, on connaît les phénomènes de taches vertes. Ouais, c'est incroyable. On regarde ça, on se dit, ben voyons, on n'est pas en Chine. Ouais. En Chine, c'est comme ça, là. Alors, voilà. Parce que vous parlez de chlorification, moi je sais que. Après, c'est à plus petite échelle, mais ils utilisent aussi des LED UV pour le traitement de l'eau, pour nettoyer. Ouais. Du coup, je me demandais si à une échelle plus grande, on pouvait mettre en place ce type de solution qui est considérée comme une solution aujourd'hui plus écologique que les autres. Avec les UV, comme avec l'ozonation, par exemple, c'est des méthodes de désinfection des eaux usées, puis ça permet aussi de dégrader une partie des molécules organiques, incluant les pharmaceutiques. Ça fonctionne très bien à échelle de laboratoire ou à petite échelle. Mais là, il y a deux problèmes lorsque vient le temps de l'appliquer. C'est le fait que, ça coûte extrêmement cher en termes énergétiques. L'électricité, c'est bonjour les dégâts. Et aussi, le fait que la pénétration des UV dans l'eau est relativement faible. Donc, si on veut traiter un grand volume, techniquement, c'est très difficile. Puis avec l'ozone aussi, c'est très difficile. Comme là, ils envisagent. Ça fait 4 ans qu'ils en parlent. Puis ça fait 2 ans à peu près que l'ouverture de l'ozonation à Pointe-aux-Trembles est reportée. Mais on dit, ah oui, nous allons encore mieux traiter nos eaux usées de telle sorte qu'elles vont être désinfectées pendant une partie de l'année. Mais on a démontré qu'effectivement, il y avait des effets bénéfique, mais à petite échelle. Ils ont fait la promesse de le faire. Puis l'usine est en cours de construction, mais je vous jure que les ingénieurs, ils ont du pain sur la planche. Hein. Pas facile. Ouais. Il y a beaucoup cette question de la saisonnalité. Ça change énormément. Énormément. Énormément. Ça vient compliquer l'équation encore. Parce que, on peut avoir des marais filtrants, on peut avoir des processus biologiques pendant l'été. Ça fonctionne bien quand l'eau est à 20-25 degrés Celsius. Quand elle est à zéro, là, les processus biologiques sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lents. Tout le monde s'en va en dormance. Il se passe pas grand-chose. Alors, la désinfection à ce moment-là, puis les services écosystémiques, justement, sont au ralenti. Tout ralenti pendant l'hiver. D'ailleurs, c'est une des études que j'avais faites sur le fleuve qui montrait que effectivement, étant donné qu'il est si clair, il y a énormément de plantes aquatiques, il y a énormément d'algues, et il y a énormément d'assimilation d'azote et de phosphore pendant l'été. Donc, on se trouve à utiliser le Saint-Laurent comme une usine d'épuration tertiaire, ni plus ni moins. Parce que lorsque le débit est faible, que la saison de croissance est à son meilleur, entre les mois de juin à septembre, le fleuve peut agir comme un puits d'éléments nutritifs. Autrement dit, on retient les éléments nutritifs, puis il y en a une partie qui est éliminée vers l'atmosphère. C'est formidable. C'est l'usage rêvé qu'on peut avoir pour un écosystème, que d'améliorer la qualité de l'eau. Mais l'ennui, c'est qu'aussitôt qu'il se met à faire froid, ben là, tout le monde meurt. Zoup! Ça cesse de fonctionner. Mais au moins, pendant ces mois-là, oui, ça fonctionne très bien. Et c'était impressionnant. J'étais aussi en kayak jusqu'au pied des rapides de la Chine. Et il y a vraiment cette... Donc là, tout ça, c'est assez peu c'est profond. C'est le bassin de la prairie, oui. Et plus on s'approche, enfin en quittant un peu l'île des Sœurs, là, à partir de là, c'est plein de bandes d'algues, de ces algues très longues. Alors, j'y connais vraiment rien, je ne suis pas très bon. Oui, oui. Mais des grandes, grandes algues. Oui. Et donc j'imagine en plus à la sortie des rapides où l'eau est très oxygénée. Il y en a partout. Il y en a partout. Puis et vous en trouverez, vous, des métropoles où on peut faire du surf à 15 minutes du centre-ville. C'est pas merveilleux, ça? L'eau qui est là, elle est magnifique. Magnifique. Alors, c'est pour ça que le... Ah! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Oui, volontiers. Ah ben oui, papa. Allez, c'est parti pour le café. Est-ce que tu veux t'asseoir par En fait, le Saint-Laurent, il fonctionne comme une d'épuration naturelle, mais sur les mois d'été, parce que l'hiver, tout file. Et... Ben, l'hiver, tout est au ralenti, hein. Alors, puis il y a la glace, évidemment. Il faudrait revenir en hiver, ça serait pas mal. Parce que ça change complètement d'allure. Hein. Mais du coup, en hiver, c'est pareil, les rythmes de toute l'agriculture, toute l'industrie ralentissent aussi, donc les polluants aussi, mais pas ceux de l'urbanisation. Voilà, c'est ça. C'est en plein ça. Et les glaces, une fois qu'elles fondent, justement, est-ce qu'elles sont chargées de pollution et qu'elles descendent en aval, ou est-ce que ça se dissout simplement? Ben, c'est qu'il y a printemps à avec la fonte de la neige sur le bassin versant, le débit des rivières augmente énormément. Alors, il y a un énorme pic de crue en avril-mai. Et là, ça décape, l'eau devient très turbide, le débit augmente, la plaine inondable se remplit et l'eau devient très très turbide et c'est la période à laquelle il y a beaucoup de poissons qui vont dans la plaine inondable pour frayer et là c'est très très important la plaine inondable et là c'est la vie qui reprend, les plantes se remettent à pousser, l'eau se réchauffe, ainsi de suite, puis on dit que qu'il y a énormément de polluants qui sont accumulés au fond, qui se font envoyer vers l'estuaire. Alors, il y a un énorme pic d'exportation à ce moment-là. Le gros des flux se fait pendant la période de la crue. Et du coup, on a pas mal parlé justement des grands lacs, du Saint-Laurent. En gros, tout ça se gère assez bien entre le milieu naturel qui est lui-même une station d'épuration, plus en gros la maîtrise technique du fleuve et des niveaux, etc., qui tend à être plus systémique que juste exclusive au transport, etc. Donc ça marche assez bien globalement, on va dire. C'est encore il y a encore beaucoup de travail pour suivre derrière l'évolution de l'industrie et de l'agriculture, mais est-ce que justement le dernier réceptacle, le golfe du Saint-Laurent, est-ce qu'il est plus sensible, est-ce qu'il est plus en danger, l'estuaire maritime et le golfe reçoivent les apports fluviaux en eau, puis en sédiments et en contaminants. Alors, ils sont tributaires, ils sont en bout de ligne, eux. Alors, ils réagissent à tout ça. Puis, en fait, une des raisons pour lesquelles on avait démarré le plan d'action Saint-Laurent à l'origine, c'est le fait que les bélugas, vous connaissez les bélugas, les baleines blanches, qui vivent près du Saguenay, mouraient de cancer et étant donné que c'est des animaux qui ont une couche de gras qui est très très épaisse, il y a énormément de contaminants qui ont une affinité pour le gras. Dans les années 70 et 80, les bélugas mangeaient les poissons qui eux-mêmes étaient contaminés par leur alimentation, qui étaient contaminés par les apports fluviaux. Donc, il y avait une concentration de contaminants qui se faisait dans la chaîne alimentaire qui aboutissait aux bélugas. Et les bélugas, à cette époque-là, contenaient tellement de contaminants que dans certains cas, il fallait les traiter comme des déchets dangereux. Et il y avait beaucoup de mortalité. C'était devenu une espèce emblématique du plan d'action. Alors, à l'origine, ça a été « dépolluons le fleuve pour sauver les bélugas ». Alors, maintenant les bélugas sont moins pollués, mais la population ne va toujours pas très bien, puis c'est encore pour des raisons qui ne sont pas extrêmement claires, mais il n'y a pas de recrutement. Les jeunes ne survivent pas, il y a beaucoup de mortalité des bébés, des mères au moment de l'accouchement, et puis c'est pas entièrement clair la raison de tout ça, mais au moins leur gras est beaucoup moins contaminé qu'auparavant. Alors, il y a du bon, il y a encore des inconnus. Alors tout ça c'est lié, hein. En tout cas, ça fait peut-être un peu le lien aussi avec la question on a parlé tout à l'heure du rapport du coup au grand fleuve, au grand lac, pardon. Du coup, qui doit forcément être co-géré par et le Canada et les États-Unis. Mm-hmm. Et comment ça se passe justement par rapport à cette ressource en eau? Parce que là, j'ai lu pas mal d'articles qui disaient non seulement que les États-Unis ont pas mal épuisé un peu leurs ressources en eau, et qu'à l'échelle du continent, le Canada est une des plus grosses réserves d'eau au monde, je crois qu'il y a 20% de l'eau douce qui est au Canada. Et en même temps, quand on regarde un peu les spécialistes, ils disent que oui, mais c'est pas une ressource en eau disponible, dans le sens où en fait on pourrait pas la puiser, on pourrait pas puiser cette eau et puis juste l'utiliser, puisqu'il faut justement laisser un niveau suffisant pour que les écosystèmes se régénèrent. Et comment se passent les tractations entre le Canada et les États-Unis? Parce que en gros, la ressource en eau est inégalement répartie partout dans le globe. Et donc il y a cette question de solidarité de l'eau, mais en même temps les intérêts sont différents. Par exemple, les États-Unis, pour aller vite et faire un peu la caricature, les États-Unis vont avoir besoin d'eau pour arroser leurs plaines d'agriculture intensive, alors que les intérêts du Canada sont peut-être justement de préserver leurs ressources en eau qui sont sur leur territoire. Comment se passent ces choses-là? Il y a des organismes qui gèrent un peu le conflit, c'est la Commission mixte internationale, qui a joué quand même un rôle important dans plusieurs différents entre les États-Unis et le Canada. Donc, à chaque fois qu'il y a un différent intention, ils essayent de jouer un rôle de médiateur entre les parties. Ils signent des accords pour, par exemple, dépolluer les grands lacs. Donc il y a eu une entente en 1972, qui a, après ça a été révisée en 1978, après ça en 1882, toujours grâce aussi à la Commission et au travail conjoint avec les États-Unis et le Canada pour les chercheurs qui découvraient de nouveaux contaminants. Et puis la première phase c'était de polluer l'eau, ensuite c'était de draguer le fond des lacs, qui tous les contaminants s'étaient sédimentés, s'étaient concentrés dans le fond des lacs. Et ainsi de suite, les ententes ont évolué. La dernière en 2012, ça prévoyait aussi un peu les changements climatiques, les pluies acides. Donc je trouve qu'il y a quand même une collaboration intéressante, parce qu'il y a beaucoup de travaux scientifiques qui poussent le gouvernement à continuer à se préoccuper à l'eau, non? À investir dans l'eau, par exemple utiliser de nouvelles technologies d'épuration d'eau, parce qu'on trouve qu'il y a des contaminants finalement qui se trouvent dans telle plante ou animal, donc on essaye de les traiter davantage. Et puis, sauf qu'actuellement, avec Trump, il y avait toute la question de la coupure budgétaire. Donc, on avait un peu peur de dire, bon, mais si jamais ils coupent l'argent, parce qu'il y avait un budget important loué à l'eau, dédié à l'eau, et c'est touché à 90% selon son idée. Mais donc, il y a eu tellement de pression des scientifiques, des gouverneurs autour des Grands Lacs du Canada, qu'il a dit, OK, je laisse tomber pour cette année, mais on verra l'année prochaine. Donc, oui, parce que lui, comme vous savez, ne tient pas à cœur l'environnement. Donc, lui, la première coupure, c'était vraiment la EPA. Là, c'est l'agence. C'est ça, exactement. Yes. Donc, là, ça doit surveiller ça de près, mais quand même une collaboration intéressante entre les deux, grâce aux chercheurs. Je trouve que l'intervention de l'académie et des chercheurs pour protéger l'eau, c'est fondamental. J'ai enchaîné peut-être un peu vite, peut-être c'est bien aussi que peut-être est-ce qu'on se représente rapidement pour toi, et puis peut-être que tu te représentes oui, bonne idée. Je me demandais si j'avais loupé un épisode en préparant le café. Enfin, j'étais un peu vite en besoin pour mettre un peu. Alors on est quatre entités qui travaillent ensemble. C'est d'abord, alors dans l'ordre, c'est un appel à résidence qui a été donc une invitation de la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire et de la Maison de l'Architecture du Québec. Donc les Maisons de l'Architecture, c'est une des institutions à la base qui sont développées beaucoup sur le territoire français. Et la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire a développé cette collaboration, a aidé à fonder la Maison de l'Architecture du Québec. Donc il y a cette relation entre ces deux Maisons de l'Architecture et qui ont proposé il y a un cycle de résidences qui ont été organisées par le réseau des Maisons de l'Architecture, et spécialement la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire et la Maison de l'Architecture du Québec se sont mis ensemble pour faire une résidence croisée, donc de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc l'idée avec une équipe française et une équipe québécoise qui travaillent en collaboration. Et donc en France, nous sommes deux collectifs. Donc c'est des collectifs d'architectes, un peu, avec beaucoup de compétences différentes aussi. Mais je vais aller vite là-dessus. Donc on a répondu ensemble en fait à cette résidence. Donc on est déjà deux équipes françaises et pareil au Québec. La Maison de l'Architecture du Québec a choisi deux agences, une agence d'architecture ad hoc, on est dans leurs locaux, et Vlant, l'agence de paysage. Et du coup, il y avait déjà une thématique pour cette résidence à laquelle on a répondu, qui s'intitule « Réhabiter le fleuve ». On a pas mal travaillé de différentes façons, donc il y a ces quatre entités, donc on ne va pas faire le tour, mais c'est pour dire qu'on a déjà travaillé de différentes façons sur la thématique de l'eau. Et donc pour cette résidence, on s'est regroupé, on a essayé de travailler sur une intention commune en fait, quelque chose qui nous rejoint tous, sur lequel on travaille, et qui est la notion de bien commun. Et donc à travers cette notion de bien commun, on avance dans cette résidence. Donc on est là, d'abord c'est un premier séjour au Québec, donc où les Français sont invités à venir au Québec pendant 3 semaines. on a beaucoup fait d'exploration, parce que du coup, il y a cette question justement d'immersion dans le milieu. Donc, on a beaucoup passé de temps aussi à traverser Montréal, à longer ses bords, à aller au bord de l'eau ou sur l'eau. Et on aura la même chose à Nantes en décembre. Donc, l'équipe québécoise va venir à Nantes pour explorer aussi les bords de Loire. Et donc, au travers de ces deux séjours, on développe une résidence continue avec cette question du bien commun et, en fait, quelles seront des prospectives architecturales qui pourront faire avancer, justement, les questions de bien commun, mais avec tous ces pendants sociaux, culturels, historiques, environnementaux. Les groupes. Wow, c'est un projet. De l'architecture avec l'eau, la nature, c'est... Mais comme on disait, l'architecture, c'est une discipline qui est à la croisée de plein d'éléments de la société, et notamment voilà, les aspects, comme on disait, ces différents aspects qu'on doit explorer. C'est pour ça qu'on invite des experts à venir nous aider à comprendre la situation, notamment à Montréal, et on fera un peu la même chose en France, parce qu'on se rend compte qu'on connaît, même si on vit dans notre pays, ben, on n'a pas toutes ces clés-là, et c'est en venant à l'étranger qu'on commence à s'y intéresser, je trouve aussi, il y a un peu de ça. Donc sur la question notamment du foncier, enfin après on en parlera plus tard, peut-être on peut vous laisser vous présenter aussi, et on enchaînera après. D'accord. Ben, moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur le statut juridique de l'eau. Donc j'ai fait toute l'étude de la dichotomie entre l'eau comme bien commun ou l'eau comme bien économique. Donc là, j'ai fait tout un portrait au niveau général, universel, et puis j'ai atterri Québec, États-Unis, Mexique, sur ce qui est l'eau, ce qui se représente, et sa législation. Et puis ensuite, j'ai créé un cours sur le droit de l'eau, et j'enseigne à l'Université de Montréal. Actuellement, j'enseigne aussi droit comparé, droit international, et on vient de créer un centre juridique pour la protection des droits de la nature. Parce qu'on est inspiré de toute la reconnaissance des fleuves comme personnes non humaines. Et puis on a vu que peut-être c'est une manière de voir les choses autrement, changer ce paradigme pour dire à chaque fois qu'on fait une activité ou une construction, qu'on ne pense pas juste à nos intérêts à nous, que le bien commun ne soit pas juste notre bien commun, mais soit le bien commun des autres espèces aussi. Donc là, c'est vraiment une question de l'intérêt du fleuve. Donc, ce n'est pas penser à notre intérêt, à nous seulement, mais l'intérêt du fleuve. Donc, avec cette reconnaissance-là, c'est ça qu'on vise. Et donc, nous avons fait des activités avec des étudiants. On a créé une école d'été au Costa Rica sur le droit de la nature. Et on a comparé différents cas, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Colombie. Je pense que Nouvelle-Calédonie commence à discuter, les Philippines aussi pour la protection des dauphins. Pardon, oui, si vous voulez vous joindre, bienvenue, oui. On serait heureux vraiment de vous avoir, parce que ça c'est vraiment de commencer à changer les choses. On a lancé une pétition juste avant les élections provinciales pour demander l'adoption d'une loi, ou la présentation et l'adoption peut-être d'une loi pour reconnaître le fleuve Saint-Laurent comme sujet des droits, comme personne non humaine. Et on a lancé la pétition une semaine avant les élections et on a déjà eu 400 signatures. Donc là, on a dit une semaine, c'est très bien. Et on a envoyé notre pétition deux jours avant la journée d'élection aux différents partis. Et puis on a eu Québec solidaire qui a dit on va étudier la question pour voir s'ils peuvent porter les projets devant l'Assemblée. C'est sûr qu'avec les résultats, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, je dis quand même, il faut continuer à sensibiliser et voir que c'est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de l'avenir, que ce ne soit pas une question partisane, mais que vraiment pour l'intérêt du fleuve. Et puis, c'est ça, donc on travaille là-dessus seulement. Ça doit être une loi pour reconnaître le fleuve Saint-Laurent comme une personne non humaine. Non humaine. Oui. Reconnaître les droits. Oui. Même si justement. C'est un peu la question aussi de toutes les autres espèces et du coup de la nature, de l'eau aussi comme milieu de vie. Ouais. Parce que c'est intéressant parce qu'en gros, dans le droit, il y a vraiment cette question aussi de personne morale qui, sur le point de vue, est quelque chose un peu. Oui, effectivement. Et en fait, c'est un peu le miroir de ça, mais pour des éléments qui sont pas. Qui qui sont vivants. Oui, donc il y a des gens qui s'y opposent, effectivement, parce que ça implique d'introduire un nouvel acteur. À chaque fois qu'on va prendre en compte les intérêts des acteurs, c'est un nouvel acteur présent avec des droits. C'est différent quand actuellement on le prend, c'est objectif, c'est nous qu'on décide finalement qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le protège, tout. Parce que là, quand il a vraiment des droits, il devient un acteur, on prend en compte son intérêt, un peu comme un enfant. Un enfant, on pense toujours, on doit toujours avoir en tête l'intérêt de l'enfant, et puis de la même manière, on dit dans l'intérêt du fleuve. Donc, c'est comme une nouvelle perspective qui se répand, il fait boule de neige dans différents pays. Donc, on trouve que c'est une manière de pouvoir changer les choses. D'accord. Et du coup, ce serait personne morale, justement en termes de droit, comment on vient articuler, comment on vient bouger un peu le droit, c'est un peu, on peut dire, le monde est toujours, le monde change tout le temps, le droit change tout le temps aussi, il n'y a rien. Perçu pas comme quelque chose d'immuable, mais comme quelque chose en avance, sujet d'interprétation, des dynamiques. Aujourd'hui, quelles sont les pistes, là vous parlez de cette piste-là, et c'est-à-dire dans la loi un petit peu, en tout cas au Canada, je ne sais pas si les systèmes juridiques sont un peu comparables entre les États-Unis et le Canada, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec l'Europe, mais comment on fait pour avancer, comment on trouve des solutions aussi pour avancer. Et quand vous dites une personne non humaine ayant des droits, est-ce qu'il existe déjà un cadre juridique pour ça? Donc, on avait étudié ici la législation au Québec, on a vu que c'est quand même compatible. Parce que dans la nouvelle loi sur l'eau, on la reconnaît comme patrimoine commun de la nation québécoise. C'est-à-dire, un patrimoine commun, c'est une responsabilité. C'est comme une sorte de fiducie. Les fiducies, c'est une autre institution créée par l'homme, un peu personne morale. Quand vous faites une fiducie, vous mettez à côté des biens. Et donc, finalement, c'est comme une sorte d'institution fictive et pour donner des droits et les gérer autrement. Donc, aussi même, si on parle de patrimoine commun, comme un peu le patrimoine commun de l'humanité. Donc, on dit de la même manière, on peut le créer plus un sujet de droit, mais comme tel, comme fleuve. Et donc, on voit qu'il y a une porte par laquelle on peut rentrer. Et dans la nouvelle loi aussi, on reconnaît il y a une action pour des dommages causés à l'eau. Parce que d'habitude, le problème de la loi de l'environnement, les droits de l'environnement, c'est qu'il y a toujours des dommages. On peut réclamer des dommages quand il y a des dommages pour l'homme. Mais pas pour les espèces ou pour le fleuve comme tel. Donc, s'il n'y a pas une personne touchée, on ne peut pas poursuivre. Donc, au même titre des crimes contre l'humanité, il peut y avoir des crimes contre l'environnement. Contre la nature, mais oui, effectivement. Et de toute manière, aussi, on fait partie de l'humanité, on est quand même affecté. Même s'il y a des récifs de corail qui disparaissent, c'est tout un milieu de vie qui disparaît, mais nous aussi, comme espèce, comme être qui appartient à cette planète, on est affecté également. Donc, c'est de se conscientiser que si jamais les belugas disparaissent, c'est nous qu'on est responsable, on est redevable. Même s'il n'y a pas un homme qui a été touché, on devrait être responsable, on devrait donc les protéger. Donc, c'est dans cette évolution du droit qui nous amène à penser dans d'autres perspectives, mais que la loi au Québec, ça a quand même évolué pour permettre cette action pour protéger les fleuves, sauf qu'ils ont fermé la porte dans la loi actuelle et c'est juste le procureur général qui peut présenter une action. Mais le procureur général actuellement, c'est l'État, et puis c'est l'État lui-même qui donne les permis pour polluer. Donc là, il est en conflit d'intérêts. Parce qu'il a comment il va poursuivre une entreprise que lui-même il a autorisé à polluer. Donc c'est l'idée, c'est d'échanger ça, de l'ouvrir et de nommer des gardiens, des gens qui sont proches du fleuve, des chercheurs, des instituts qui peuvent aussi plaider la cause du fleuve, pas seulement l'État. Parce que sinon on est vraiment. Donc il faut vraiment pousser pour faire évoluer le droit. Comme l'eau dans cette région, aux États-Unis, c'est différent dépendamment qu'on est au sud. Ou au nord du pays. Donc dans les Grands Lacs, c'est un peu plus proche du Québec, donc il y a une conscience un peu plus proche de l'environnement. Ils veulent protéger l'eau, parce qu'ils ne veulent pas l'envoyer en Californie, déjà c'est bien. Et puis, ils parlent de common trust. Donc ils ont quand même cette idée. Et là, il y a aussi un auteur américain, Christopher Stone, que c'est aussi lui qui avait proposé cette création de droit à la nature. Donc ça vient, il y a beaucoup d'auteurs américains qui ont travaillé là-dessus. Et c'est aussi au début, je vais vous rappeler, c'est la création des parcs naturels. C'était aux États-Unis que ça avait commencé. Pour dire on veut des endroits où qu'on protège, où il n'y a pas l'intervention humaine, l'intervention de l'homme, pour permettre à cette nature de vivre vraiment dans son état libre, naturel, sans nous. Et c'est comme ça qu'on crée des parcs naturels, mais nous aussi, on veut utiliser un peu cette théorie des réserves naturelles, mais plus de donner des droits pour qu'on puisse défendre, parce qu'on ne peut pas exclure l'activité humaine de l'eau. Donc c'est plus en lui donnant des droits pour qu'à chaque fois qu'on va faire une nouvelle activité, on pense à l'intérêt du fleuve. Et ça, on pense à, par exemple, l'exploitation du pétrole en dessous de rivières. Donc que ça ne dépend pas juste des acteurs politiques ou économiques, mais qu'à ce moment-là, on puisse plaider la cause du fleuve et des autres espèces aussi qui sont en danger. Parce que là, quand il y a des dégâts, c'est... il n'y a pas de retour en arrière. La contamination est, vous confirmerez, est létale. Donc c'est aussi dans cet intérêt, et puis c'est aussi dans cet objectif que se développe de plus en plus. Quand il y a des intérêts, par exemple l'exploitation des gaz de schiste, la question, on met toujours en perspective, ah mais l'économie ou la source d'eau qui est vitale. Donc à ce moment-là, avec cet instrument qui s'est donné des droits à la nature, on peut dire et plaider aussi la cause, pas juste notre cause humaine, mais la cause qu'on est aussi interdépendant avec notre environnement, avec tous les autres êtres vivants. Si nous, on est arrivé à parler de l'eau comme bien commun, c'est justement aussi par rapport à cette question de l'appropriation des choses, et un peu, on n'est pas juriste, avec un peu d'impression, mais où il y a cette extension de... Enfin, le bien privé est défendu par les intérêts privés, etc. Ensuite, on a le bien public, qui est quelque chose qui justement défend les intérêts de la société. Et là, ce dont tu nous parles, c'est justement d'un nouveau droit qui serait le droit du bien commun. Il est commun, on avait pas mal de discussions, une intervention sur la question des communs. Mais du coup, la question est non seulement de l'arbitrage, mais aussi des différences, parce que je pense que non seulement dans l'intérêt du bien privé, c'est la question de la propriété, donc de défendre en fait les droits à faire ce qu'on veut chez soi. C'est ça, une extension en fait juste de la personnalité sur un territoire, sur quelque chose. L'intérêt du bien public, c'est justement de défendre contre chacun des intérêts individuels, un intérêt collectif ou sociétal. Et est-ce que le bien commun se crée justement encore en réaction à tout ça, ou est-ce qu'il a d'abord, d'emblée, historiquement, une légitimité? On parle de bien commun depuis combien de temps? Est-ce que l'eau a toujours été considérée comme un bien commun? Est-ce que c'est devenu quelque chose qui l'a fait? Mais moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est juste pour préciser, enfin, on parle de l'eau comme bien commun, mais moi, je voudrais poser la question concrètement. L'eau appartient à qui? Quel est le statut aujourd'hui du... Ou si on peut parler de bien commun, effectivement, est-ce qu'il existe une législation aujourd'hui par rapport à ça? Sur des choses foncières, matérielles. Oui, mais en fait, c'est ça, la première fois qu'on définit un peu où on les classifie, c'est depuis les droits romains. On appelle les res communes. Et les res communes, c'était l'air, c'était l'eau, c'était des choses qu'on ne pouvait pas approprier. Donc, déjà, ce sont des choses non appropriables. Donc, depuis ce moment-là, on le garde. Et ici, quand on a fait la discussion pour le statut juridique de l'eau, on disait, mais, et quand même, bien, parce que si on garde ce statut des choses communes, c'est-à-dire non appropriables, hors commerce, on le sort finalement de toute cette sphère marchande. Donc on ne peut pas le mettre sur la bourse, commencer à gérer des droits d'eau comme ils font en Californie par exemple. qu'il aille vendre l'eau, il achète. C'est vraiment tout un commerce, donc incroyable. Mais ici, on gardait justement pour éviter ça et pour éviter l'exportation de l'eau en vrac, parce qu'il disait, mais c'est un bien économique, on peut l'exploiter, on peut le vendre comme le pétrole, qu'on va prendre des camions-citernes, des bateaux-citernes. Donc finalement, ils sont revenus à la notion de droit romain, res communis non appropriable hors commerce. Donc on garde cette notion-là pour la protéger finalement. Donc ça restait dans l'État et jusqu'à aujourd'hui, les différents juristes se disaient c'est quand même la notion qu'on a et qui nous sert pour éviter son appropriation. Parce que ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Hein. Dans d'autres pays, c'est plus du domaine public. Il y en a d'autres, comme les États, même aux États-Unis, c'est différent. On est dans les États riverains des Grands Lacs et si on est en Californie. Donc là, ils la gèrent différemment. Donc, en Mexique, il y a cette dichotomie. Est-ce qu'on s'en va vers le marché, l'eau, avec les bourses, ou bien on les garde dans les domaines publics de la nation? Là, ils sont entre les deux. Entre les deux. Et c'était un grand débat, un très grand débat. Et après ça, on parle, est-ce qu'en plus de bien commun, on l'a reconnu comme droit humain. Vous vous rappelez? Un droit humain, l'eau comme droit humain. Parce que justement, dans cette logique qu'on voulait enlever les statuts des res communis, c'est pour dire finalement on peut le approprier, donc on peut le vendre, donc on peut finalement faire la concession vers la gestion privée de l'eau. Donc c'est à ce moment-là qu'il sort aussi l'eau, le droit à l'eau. Donc il faut la gérer, mais il faut penser que c'est un droit essentiel pour la vie. Mais maintenant on va un peu plus loin. C'est pas juste pour l'homme, c'est aussi pour toutes les espèces vivantes. Et justement, tout ce maintien de l'environnement et des espèces vivantes, ça joue un rôle dans les droits humains, dans les droits de la santé, dans les droits bioculturels aussi. Tous ces rapports que vous parlez de l'eau, avec l'histoire, avec les paysages, avec le développement d'une culture, tout ça, ça joue en compte. Donc si on finit, si on tue un fleuve, on est en train de tuer en même temps toute une culture, toute une, tout un rapport que les gens ont développé avec l'eau. C'est déjà arrivé, par exemple, en Colombie, où malheureusement, ils ont trouvé beaucoup d'or, et puis ils ont commencé à mettre du cyanure direct pour sortir l'eau et des communautés ou un peu des bandits, qu'ils trouvaient, mais c'était, ça coulait, donc ils ont dit, mais on va sortir plus, donc ils mettent le cyanure, et puis ils sortaient beaucoup d'eau, et d'or, et ça tuait une rivière assez grande. C'est pourquoi ils disent, mais finalement, on va le donner droit au fleuve pour le protéger parce qu'il était pratiquement abandonné. Donc, parce qu'il y avait les rapports or ou eau. Donc finalement, toute la culture qui se développe autour du fleuve, les gens se baignaient là, les gens faisaient la pêche, tout ça, ça avait été et annihilé, non ? Fini avec. J'ai l'impression que ça reste du coup du droit. Comment dire ? Là, on est voilà, sur des questions de droit. J'ai le droit d'avoir accès à l'eau, j'ai le droit d'être en bonne santé, j'ai le droit d'avoir accès à une éducation, j'ai le droit, on a tous ces droits. Oui. Et on va les mettre en. J'ai l'impression, je ne suis vraiment pas l'expert, donc on les met en œuvre à partir du moment où il s'avère qu'ils ne sont plus respectés. C'est-à-dire que. Je ne sais pas si c'est. Comment dire, actif ou passif, mais vraiment sur la question foncière. Je lisais hier en France, en gros, donc tout ce qui n'est pas privé est public. Et ensuite, par exemple, on a créé, il y a eu pas des parcs naturels, mais le conservatoire du littoral et le conservatoire des espaces naturels. Et où, en fait, ces biens qui étaient des biens publics, qui appartenaient à une commune, ont été donnés, la gestion foncière, à des organismes qui, eux, sont juste dans la gestion des espaces naturels. Ce qui évite que ces biens-là puissent être vendus en fait par une commune ou quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, je dis aujourd'hui, à qui appartient le fleuve? Qui peut décider de vendre une terre qui appartient au bord du fleuve ou pas? Parce qu'une commune, on dit c'est du bien public, mais en soi, sans idéologie aucune, la commune peut dire ben, on vend. Elle peut, c'est un bien public, mais elle peut décider de le vendre. Le morcellement des pouvoirs et de la législation par rapport aux différents composants qui entourent le fleuve est très complexe. Puis, corrige-moi si je me trompe, là, mais les voies d'eau transfrontalières, comme le Saint-Laurent, comme le Richelieu, par exemple, qui traverse au lac Champlain, c'est de juridiction fédérale. Tout ce qui a trait au transport maritime, c'est fédéral. Par contre, les habitats du poisson et les rives comme telles, les habitats sont de juridiction fédérale, c'est pêche et océan. Les poissons, c'est de juridiction provinciale via le ministère de la Faune qui a eu une délégation. Les rives, ça peut être municipal, ça peut être privé, selon que tu es dans la plaine inondable ou que tu es à l'extérieur. Mais là, comment tu définis la plaine inondable? Et là, ça devient très, très, très complexe. Et le lit du fleuve, je pense, c'est provincial. Oui, c'est ça. Alors, et l'eau, mais c'est une autre histoire. L'eau est inappropriée. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que le fleuve, du coup, est provincial? Oui. Hein? Ouais. C'est magnifique, ça. Alors, essayez donc, vous, de vous retrouver là-dedans. Puis, entre les juridictions dans l'ensemble du bassin versant, les différentes sources de pollution, ben, est-ce que c'est agricole, est-ce que c'est industriel, est-ce que c'est municipal, mais tout ça, ça relève de différentes entités en termes de réglementation. Alors, un endroit comme le lac Saint-Pierre, par exemple, est sujet à une foule de sources de pollution, mais a un statut Ramsar de protection internationale. C'est une réserve de la biosphère de l'UNESCO. Mais comme il n'y a aucune législation spécifique attachée à un statut de ce genre-là, même si c'est très prestigieux de dire « Ah, c'est une réserve de l'UNESCO », tout le monde fait ses petites affaires, puis la pollution arrive et on empiète sur les rives, on cultive dans la plaine inondable. Mais on a un magnifique statut Ramsar. Ça ne veut rien dire. Ah, le statut n'a aucune... Zéro. Alors, ça paraît bien. Oh, hey, ça paraît bien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas dedans. Mais la législation qui fonctionne, c'est la preuve des choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Action. Oui, oui. Demander, activer le mécanisme public. Du coup, on sent bien qu'il y a... Il y a différentes juridictions qui se chevauchent et sur différentes utilisations. On parlait du fleuve, mais aussi l'eau qui est du coup dans les systèmes d'adduction d'eau et de traitement, etc. Et là, comme ça passe par une machine, c'est aussi public, donc on est plutôt dans le domaine municipal, voire provincial, avec l'évolution du système où il y a besoin d'une gestion plus lointaine. Mais globalement, l'eau en tant que telle, en tant qu'élément, et en tant que ressource est considérée comme inappropriable, comme bien commun. Ça, c'est peut-être pas vrai partout, et c'est peut-être l'intérêt de comparaison entre différents modèles juridiques, on va dire, de différents pays. Et après, il y a son administration. Là, quand on parle du fleuve et qui est sous la juridiction du provincial, c'est l'administration... Et les rives, par exemple, c'est différent. C'est, effectivement, s'il y a une commune, elle est sous même la propriété publique ou privée. Mais comment on défend en fait l'intérêt, l'eau comme bien commun, alors que c'est un élément fluide qui traverse toutes ces juridictions, en fait, donc tous ces territoires, à la fois les lits du fleuve, mais les berges, etc. Comment on fait pour défendre l'intérêt commun? Alors que ce n'est pas quelque chose comme une propriété publique ou privée qui reste là, qui est fixe, et donc on peut simplement s'asseoir autour et dire, ben voilà, il y a tel intérêt, tel usage, du coup on sait départager plus ou moins bien les différents usages. Comment on fait avec un élément fluide comme ça? Il y a aussi les conseils, les conseils du bassin versant. Oui, les agents du bassin. Qui vont conseiller d'essayer de concilier les différents usages. Donc, un peu, quand on se réunit, s'ils voient, ils font les contrats de l'eau, et puis ils disent finalement quels sont les différents usages, si c'est une zone plus agricole, une zone plus industrielle, etc. Donc là, il faut qu'ils fassent cette étude, ils vont le soumettre au ministère de l'Environnement. Et le ministère, il a l'obligation de voir aussi l'impact des différentes activités dans le fleuve, et puis en considérant tous les autres éléments. Et mais ça, c'est une question de contrôle aussi, de voir jusqu'à quel point il y a le contrôle de l'application de la législation. Mmh. Que ça, on est dans une autre étape. Mais c'est sûr que l'implication citoyenne, ça fonctionne beaucoup. Quand les gens ils voient, ils réclament, ils font ils vont s'impliquer dans les conseils pour essayer de dépolluer l'eau, quand il y a des phénomènes qui apparaissent, comme les algues bleues. Et donc là, ça joue aussi dans les médias, on voit l'impact sur la santé. Donc ils commencent à faire de la recherche pour contrôler les différents, par exemple, pesticides. Au niveau de l'agriculture, c'est quoi les pesticides qui peut-être peuvent faire que les algues soient plus, contaminantes ou polluantes ou venimeuses. Donc ils essayent de voir c'est quoi les facteurs, mais ils font des études, non? Ils font des recherches. Mais c'est sûr que toute la gestion, c'est complexe. L'eau, ça continue à être un élément commun. Une personne peut la vendre ou l'exporter, mais ils ont le droit d'utiliser. Donc on a le droit d'usage, sauf qu'il faut concilier les différents usages et introduire dans ces usages-là, et pas l'oublier, l'usage environnemental et l'usage pour les eaux, pour la nature elle-même. Parce que ce qu'on voit dans plusieurs bassins, versants, c'est qu'on essaie de concilier ici tous nos intérêts. Donc là, il y a l'agriculture, l'industrie, la ville, tous les autres usages, et on oublie l'environnement. L'environnement ne doit pas. Oui, donc cette idée de donner des droits aux fleuves, c'est pour qu'il y ait des représentants, pour qu'ils disent aussi, nous aussi dans la terre, on est dans la terre, mais puis c'est quoi l'intérêt? Parce que finalement, et ça ajoute à tout le monde, c'est bénéfique, parce que plus qu'on est conscient, on peut l'utiliser, mais de manière plus rationnelle. Moi, je trouve de plus en plus qu'on devrait enlever ces droits de qui. Comment c'est celui qui pollue paye. On ne devrait plus avoir les droits de polluer. On devrait plutôt avoir l'obligation de dépolluer avant de rejeter les eaux. Parce que finalement, qui absorbe ces coûts-là. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans notre discussion, c'est que moi, enfin, je pense à un truc que j'avais jamais pensé, c'est qu'on parle de l'eau comme bien commun. Mais si on parle de l'eau comme élément liquide, là on parle avec les différentes juridictions foncières, ça n'a rien à voir avec le fleuve en fait. Enfin, il y a un distinguo entre la matière liquide qui dit bon bah ça c'est un bien commun, mais en fait considéré pas. Encore une fois, c'est une toute petite fenêtre de dire c'est l'élément liquide, alors qu'en fait c'est peut-être le fleuve en tant qu'écosystème aussi qui serait un bien commun et qui obligerait à ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dissocier. Là, j'ai l'impression que dans la juridiction, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on a dissocié l'eau du milieu. Absolument. Et ça me paraît... je trouve ça très, très étrange comme... Schizophrène. Non, mais c'est très schizophrène. C'est comment on peut dissocier l'eau de son milieu? Comment on peut dissocier l'eau d'un fleuve? C'est... Ça rejoint un peu ce qu'on a... Je ne sais pas si vous connaissez Ricardo Pezzella, un homme belge qui travaille beaucoup sur la question de bien commun et qui justement explique un peu cette tendance-là au XXe siècle de considérer l'eau comme de plus en plus comme un bien appropriable pour le commerce. Donc ça rejoint le droit privé, le droit commercial, et que cette tendance-là s'est généralisée. Et qu'en fait, peut-être qu'avant, l'eau comme bien commun, c'était quelque chose qui était, ou le bien commun en général, c'était quelque chose qui était accepté, mais qui n'était pas forcément, qui n'avait pas forcément besoin d'un droit écrit, ou de quelque chose qui était vraiment instauré, et qu'avec l'évolution au XXe siècle vers une eau technologique, par exemple, vers la technicisation de l'eau, et du coup, sa technicisation implique aussi des investissements, et donc là, les pouvoirs publics se désengagent au fur et à mesure de cette gestion-là en disant, ben voilà, le privé est plus à même de répondre à ces... La privatisation de l'eau, ça fait peur. Et que dès lors, on commence, en réaction à ça, à vouloir défendre une eau comme bien commun et à vouloir lui reconstruire des statuts juridiques qui... Est-ce que c'est cette tendance-là globale sur le XXe siècle ou est-ce que c'est une lecture un peu rapide et... Oui, je pense que, en fait, Mais il y a deux choses que je pense c'est intéressant de commenter. Celle qui vient de votre collègue tout d'abord, de parler de la séparation entre l'eau et la propriété foncière. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose à voir là-dessus, parce que ici actuellement, il y a des gens qui sont propriétaires des terrains au bord de l'eau, au bord d'un lac. Là, il y a propriétaire autour d'un lac. Donc, des grandes riches propriétaires autour d'un lac qui devient pratiquement privé. Parce que pour accéder au lac, on ne peut pas empiéter sans la permission du propriétaire foncier. Donc, il faut quand même passer par là. Et s'il ne te donne pas l'accès, mais personne d'autre peut accéder à ce lac. Il devient pratiquement un lac privé. Donc, ça, c'est vrai que c'est un petit problème, parce que là, c'est vrai qu'il y a aussi, doivent donner une sorte de servitude de passage, mais il faut quand même le demander. Et puis ça, c'est un problème au Québec qu'il faudrait peut-être travailler pour éviter la privatisation des lacs, même si l'eau est... Vous avez le droit d'utiliser l'eau et de vous baigner, d'accéder, mais physiquement, vous n'avez pas cet accès physique, parce qu'il y a la loi qui empêche d'empiéter sur les propriétés d'autrui. Donc là, il y a cette inconsistance-là. Et puis, il y a la question de Petrella avec le bien commun. Et ça dépend à quel moment de l'histoire on parle, à quel moment qu'il a écrit le livre que vous parlez. C'était les manifestes de l'eau? Oui, le manifeste de l'eau. Donc, ça, ok, mais lui, c'est ça. Donc, c'était la période où c'était un débat mondial vers la privatisation de l'eau. C'était très, très fort. Lui est devenu un acteur et vraiment convaincu pour protéger les statuts de bien commun de l'eau versus les statuts de bien privé ou économique. Parce que tous les secteurs économiques, la Banque mondiale, les fonds, la Banque de financement international pour le développement, et puis ils ont créé un forum, et les multinationales de l'eau, ils ont créé des forums mondiaux pour dire l'eau est devenue un bien rare. Et comme c'est un bien rare, ipso facto, ça devient un bien économique. Et puis, on devrait enlever les statuts, au contraire, de biens communs, parce que les biens communs nous ont amenés vers le... comment on appelle? Le désastre de commun, qui s'est apparti à tous, mais que personne ne surveille. Oui, du coup, si, oui, voilà. Oui. Donc, ils disent, c'est rendu ça, donc la meilleure chose, c'est de les ramener vers le privé, parce qu'on est mieux utilisé pour l'administrer. Donc, c'était toute la théorie qui avançait. Donc, lui, il a intervenu dans ces moments pour dire non, la seule chose, c'est de mieux la réglementer, de la protéger, mais de la garder comme bien commun, parce que vraiment, la tendance, c'est pour le bien économique. Et puis, il y a eu des privatisations au niveau global, où les entreprises multinationales de l'eau participaient, y organisaient le Forum mondial pour sensibiliser les gouvernements des différents pays. Sauf que l'effet de la privatisation, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Parce qu'ils privatisaient un petit village, une petite municipalité. La première chose qu'ils faisaient, c'était montrer le prix de l'eau 2, 3, 4 fois. Et ils n'investissaient pas dans les infrastructures. Parce qu'ils disent, mais je ne peux pas investir si je n'ai pas assuré que je peux avoir un retour sur mes investissements et avoir un... Parce que le privé, il veut un profit. Il ne veut pas le faire parce que c'est son obligation. Donc lui, il arrive dans ce moment. Mais c'est aussi grâce à lui qu'on a réussi à introduire le droit à l'eau, qui a modulé beaucoup cette tendance vers la privatisation, parce que là, les privés moins intéressés à assurer un droit à l'eau gratuite. Il y a déjà une grande perte. Donc là, le mouvement vers la privatisation, ça a reculé, en plus de quelques exemples en Amérique latine, qui ça a été un échec. Au Mexique, deux exemples, c'était Aguascalientes et Cancún. Ça a tellement été un échec que toutes les autres municipalités ont dit non. On risque de perdre nos élections municipales, et puis municipales, étatiques, gouvernementales, les présidentielles sont toutes dans les mêmes partis, sont toutes comme un réseau. Donc, ils ont arrêté toutes ces mobilisations-là. Et puis, Cochabamba, Bolivie, ça a été toute la guerre de l'eau qui a poussé vers la reconnaissance du droit à l'eau. Donc, grâce à son intervention, sa mobilisation, il a fait en sorte de changer les débats du Forum mondial de l'eau qui était créé et dirigé par les multinationales de l'eau et par les banques mondiales et par tous ces gens-là qui voulaient finalement faire l'argent avec l'élément le plus essentiel de la vie. Donc, ça a été changé au Forum des Nations Unies. C'est là où ils ont réussi à reconnaître de manière politique et plus tard juridique au niveau international la reconnaissance du droit à l'eau. Mais c'était justement pour balancer cette course vers la privatisation de l'eau. Et puis, il a très, très bien réussi. Et maintenant, les changements vers la reconnaissance du droit de la nature, ça ne vient pas de lui. Ça, c'est une autre inspiration, plus qui vient des origines autochtones. Parce que pour eux, la nature est sacrée. Donc, ils le voient plus comme... oui, ils vont ouvrir une montagne parce qu'il y a de l'or. Ou ils disent, mais c'est un dieu. On a un respect envers la nature. On prend l'eau et l'or, parfois ils coulent naturellement dans les rivières, et on peut aller les récolter comme auparavant, mais on n'a pas besoin de tuer ces dieux, de l'exploiter, et puis en pensant à toutes les conséquences, parce que dès qu'on exploite une mine, généralement c'est l'eau qui est affectée, parce que c'est l'eau qui peut jamais être décontaminée vraiment. Et donc c'est tous ces mouvements autochtones, ces mouvements qui a reconnu des droits à la nature, ça vient d'autre part. Donc je ne sais pas comment Monsieur Petrella le voit, ce serait intéressant de discuter avec lui. Mais lui, c'est vraiment dans son moment d'histoire, c'était vraiment une balance. Tout le monde pensait que ça allait vers les droits économiques, mais finalement, avec la reconnaissance du droit à l'eau, ça a changé pas mal la course vers ça, et puis on s'en va plus vers. Mais la reconnaissance de l'eau comme bien commun, et qu'on ne peut pas le privatiser pour... Et c'était quand ça, justement? Dans quel moment de l'histoire? C'est ça, oui, exactement, 2006, c'était crucial avec le Forum mondial de l'eau en Mexico, et puis c'est ça, 7, 8, puisque la reconnaissance des droits à l'eau, c'était en 2010. Donc ça a eu un grand recul. Depuis ça. Je voudrais juste rappeler ce que nous disait Yves Otis, qui travaille sur les communs, et nous rappeler cette chose assez intéressante, c'est que a priori le bien commun n'existe que quand il y a un groupe de personnes qui décide de le défendre, en fait. Qu'en fait, il n'y a pas de commun, il n'y a pas de commun en soi, mais qu'il n'y a que... C'est que s'il y a des gens qui décident de prendre soin d'une ressource ou d'autre chose, de quelque chose, en disant il faut se battre pour ça, en fait. Il y a une question de lutte aussi là-dedans. Donc c'est par rapport à ce que vous disiez là, je ne sais pas si M. Petrella a reçu beaucoup de soutien. D'où sont venus ces soutiens par rapport aux multinationales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire peut-être international. Enfin, ce sont quand même des énormes institutions, énormes machines. Pour qu'il ait réussi à porter une voix, il a dû être soutenu. Et du coup, je ne sais pas si en Amérique du Nord, au Canada en particulier, vous parliez comme tout à l'heure de la société civile. Comme on voit aussi, on parlait du Flushgate à Montréal, où à un moment donné, bon, alors c'est qu'un exemple, mais c'est vrai que si tout le monde, toute la population se met à crier au loup, ça fait réagir. Ça fait réagir le politique. Et donc je ne sais pas aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres histoires de lutte un peu spéciales de création de parcs nationaux ou de protection de la ressource au Canada ces dernières années qui ont été liées à des mouvements civils. Il y a le Kakuna, la protection Vous devez connaître bien le thème, étant donné que vous vous intéressez au bel ouvrage, et les bel ouvrage sont finalement les protecteurs du fleuve. Ils sont à la fois les victimes et les héros de l'histoire, hein, ouais. Parce qu'on les utilise de manière très emblématique parce qu'ils ont été très affectés par la pollution. Puis dans le cas du développement du port de Kakuna, c'était l'idée d'aller mettre en place un grand port pour le transbordement de produits pétroliers dans le bas du fleuve, mais le secteur coïncidait avec une ère où les juvéniles s'alimentaient, puis où les familles se regroupaient pendant une certaine saison au cours de l'été. Et finalement, je pense que le projet a été arrêté justement parce que c'était considéré comme une partie de l'habitat essentiel du bénévole. Alors ça, c'est quand même une belle histoire. Mais pour en revenir à l'application du bien commun, parce que effectivement, je pense qu'on est tous pour le principe de la protection du bien commun, puis de l'eau comme bien commun. Mais prenons dans l'application, je pense que le diable est dans les détails. Parce que pour un bassin versant qui serait intensément agricole, par exemple, on pourrait dire, oui, effectivement, l'eau est un bien commun parce qu'elle elle est utilisée comme source d'eau potable. Mais l'eau est aussi un bien commun parce qu'elle est utilisée par les producteurs agricoles pour faire de l'irrigation. Donc, la production de nourriture devient une partie du bien commun, mais c'est aussi une source de pollution. C'est aussi un potentiel pour faire de l'hydroélectricité, donc on fait des réservoirs. Et à cause qu'il y a des réservoirs, ben, on peut stimuler la production de cyanobactéries qui sont toxiques. Mais ça fait la production et la disponibilité d'énergie localement, ça fait partie du bien commun. De cette manière-là, on a des conflits qui sont... puis en plus, la pollution qu'il y a dans le cours d'eau, ça vient interférer avec le bien de tous d'avoir envie de se baigner dans la rivière. Et de pêcher et de manger les poissons qui viennent de la rivière. Alors, les conflits entre les usagers sont inévitables, puis il faut, pour arriver à faire appliquer ce concept-là, arriver à concilier les usages. Puis c'est là que les bassins et les agences de bassins sont tellement importants, mais tellement difficiles à faire fonctionner, parce que moi, je suis dans le quotidien des choses, là. Puis quand on se retrouve tous autour de la table, là, il y a des discussions assez solides, merci, qui se produisent. Et c'est pas évident du tout de dire, mais regarde, toi, là, telle activité, ça nuit à A, B, C, D, E. Comment est-ce qu'on gère ça? La gouvernance à échelle du terrain, c'est pas facile à lire. Ça rejoint un peu ce que tu racontais sur... qu'en fait le bien privé justement on est à une échelle très locale où on défend un intérêt local, dès qu'on est sur le bien public on est à l'échelle d'une société, des intérêts de société, et en fait le bien commun c'est quelque chose à la fois qui se préoccupe vraiment du terrain, parce que ça part vraiment d'une envie un peu civique ou environnementaliste, etc., de défendre un bien qu'on a tous en commun, mais du coup qui a une échelle d'un bassin versant, et le bassin versant du Saint-Laurent par exemple, c'est une zone incroyable. Je parlais de la mer de Champlain qui a laissé du coup ce bassin versant, c'est donc des grands lacs jusqu'à l'ouest de Terre-Neuve, en fait on a le bassin versant du Saint-Laurent. Et d'où cette multiplicité d'acteurs. Mais c'est ce que rappelait Yves Otis, donc en fait qui est du réseau Remix the Common. C'était que justement le bien la mise en commun existe par le fait que se mettent autour de la table des gens qui sont touchés par ça, donc des habitants du bord de l'Aude ou même des habitants de Montréal, tout aussi bien que des agriculteurs qui vont travailler avec l'eau et qui l'utilisent, et qu'en fait c'est justement ce travail là de se mettre autour de la table et d'avoir peut-être ces discussions compliquées, parce qu'on ne règle pas juste la situation individuelle d'un privé ou la situation collective d'une société, mais vraiment d'une infinité, mais d'une multitude d'usagers. Quoi. Oui, mais lui, il parlait justement des communs plutôt par petits groupes, petits groupes d'intérêts, alors que là, j'ai l'impression que ce qui touche à l'eau, enfin l'échelle d'un bassin versant, c'est gigantesque et ça touche énormément d'usages et d'usagers, et que du coup on ne peut pas la penser comme un commun ou à petite échelle où c'est les gens qui sont concernés par quelque chose. Enfin là ça dépasse l'échelle juste des usagers d'un lieu, autour d'une berge ou d'une rive. Et du coup je ne sais pas si on pourrait avoir des réglementations par bassin versant, ou si c'est même trop grand parce qu'il y a trop d'usages. Enfin, comment réfléchir cette gestion et ces conflits d'usage, à quelle échelle en fait la réfléchir Après, soit si on est sur un bassin qui est deux pays, et beaucoup au Canada, imaginer après c'est qui a le pouvoir. On sait très bien que dans nos sociétés, le ministère de l'Environnement, et en France on l'a vu il n'y a pas longtemps, il n'a pas de pouvoir en fait. Il est en bas, enfin il a peu de pouvoir. On a Vous avez plus de ministre, alors ça va mal. Hein? Vous avez Nicolas Hulot démissionné. Oui, oui, mais surtout, c'est des aveux d'échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on essaye de faire des choses pour l'environnement, mais comme ça, il faut confronter l'environnement à l'économie, c'est vraiment l'environnement qui gagne. Vous pensez que c'est une bonne décision de démissionner? Je pense qu'il était tellement, en fait, tellement avalé de couleurs. Voilà, il ne pouvait plus. Quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'il était tellement, il ne pouvait tellement plus rien dire. Enfin, il ne pouvait plus rien dire. Quoi. Du coup, ça n'avait plus de sens de rester. Enfin, c'est... Parce que s'il était, c'est la solution que de pouvoir, qui peut influencer la France et l'Europe. Oui. Mais parce qu'il avait été cette chance pour continuer. Parce qu'il avait. C'est plus compliqué. C'est que c'est plus dur. Oui. Je crois que vraiment, il avait tellement peu de place, Andreas, c'était le... il avait tellement peu de pouvoir décisionnel qu'en fait, c'était... Parce que comme il disait, Léon, il n'est pas sensibilisé, il n'y a pas d'aille. De baisser les bras. C'est des questions de philosophie. Hein. Non, mais de démissionner, c'est comme si tu démissionnes, c'est pas facile. C'est une question de philosophie, moi je serais plutôt d'accord, enfin de dire en tout cas il a essayé au moins. Après, il y a des gens qui disent il ne faut même pas aller au gouvernement parce qu'on sait très bien que le gouvernement ne fera rien, enfin, ne va pas assez vite dans l'environnement. Enfin, et puis il y a des gens comme Hulot qui disent bah si, il faut quand même se mouiller. Mais bon, c'est... il a essayé, il a fini par démissionner. Mais justement, peut-être parce que dans la réflexion du commun, on le disait, c'est à des échelles très larges et en même temps ça part de. Un peu du terrain, enfin d'initiatives locales et civiques, etc., et citoyennes, et qu'en fait c'est un autre modèle de gouvernance que celui qu'on connaît et qui a édifié le droit privé et le droit public, qui est un peu cette conception pyramidale où en fait on donne les responsabilités. Et c'est... Alors il y a des comités d'experts qui se regroupent pour. Mais en fait c'est peut-être une autre gouvernance qui a pensé en parallèle de ce droit-là, qui est. En fait, de remonter depuis la base, c'est-à-dire qu'il y a plein d'intérêts d'usagers et qui doivent, à leur petite échelle, en fait, faire remonter des informations pour qu'elles soient ensuite, à l'échelle beaucoup plus large, travaillées et réglementées. Et du coup, peut-être que c'est aussi que le modèle de gouvernance d'un ministère de l'Environnement, par exemple, reste sous, bah, c'est quand même un ministère, donc dans un système étatique, et du coup, qui a cette structuration où les décisions ne peuvent pas être prises par... Je me perds un peu là. Il y a plus de communication, peut-être que justement, ça part d'initiatives locales et de comprendre les besoins du terrain, mais que c'est obligé de remonter pour avoir des réglementations plus larges quand ça concerne des territoires gigantesques, en fait. Parce que du coup, ça peut pas être une règle ici, une règle là, une règle là, si tout ça est lié. Alors effectivement, il faudrait plus de communication et plus d'échanges entre les besoins, les usages locaux et du coup les règles qui les remettent tous en lien. Et c'est ça, je pense, qui manque. On ne peut pas juste avoir une échelle locale, je pense, c'est les questions-là. Vous disiez que vous étiez aussi spécialiste en droit comparé. Du coup, là, on parle beaucoup privé-public. Est-ce que c'est la seule grille de lecture qu'on a aujourd'hui sur cette planète? Est-ce qu'il n'y a pas dans des pays, il existe d'autres grilles de lecture? Par rapport à la gestion de l'eau Par rapport à la gestion de l'eau, mais en fait, par rapport à la gestion aussi, finalement, de la terre, enfin, la gestion de tout. Comment est-ce qu'on est forcément dans une opposition bien privée, bien publique, ou est-ce qu'il existe d'autres choses? À part ces communs qui nous viennent du droit romain et qui étaient juste, on ne peut pas s'y approprier, donc ils ont un statut particulier. Parce que les droits communs, les biens communs, après plusieurs études, semblaient être comme plus proches de la réalité. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à concilier, même si c'est difficile de concilier différents usages, parce qu'on ne peut pas permettre à l'agriculture de tuer une rivière. Oui, pour décontaminer le village qui va être à quelques kilomètres en bas. Donc on n'a pas le choix que de se concerter, de faire des compromis. S'ils ne veulent pas faire des compromis, on utilise les outils, la réglementation. Voilà, vous êtes interdit d'utiliser tel pesticide. Vous ne pouvez utiliser pas telle sorte d'engrais. Donc si on n'a pas de compromis, mais on utilise l'outil qui est la loi, les règlements. pour ça. Et ça, il y en a beaucoup de réglementations qui vont contrôler les usages agricoles parce qu'il faut qu'ils se mettent. Ils savent aussi qu'ils disent on a beaucoup de travail à faire, mais on essaie de le faire et puis on a beaucoup avancé. Et les usines aussi, avant, ils rejetaient les eaux directement dans les fleuves. Il y a un moment où je pense qu'il y avait des épidémies très fortes. Donc là, s'ils ne se remettent pas à nettoyer l'eau, mais il va falloir fermer, il faut donner des sanctions. Donc là, il y a ce moment-là, bon, on va engager un contrat avec la municipalité pour dépolluer l'eau avant, au moins jusqu'à certains degrés, avant de la lancer dans le fleuve et ainsi éviter la pollution jusqu'à certains degrés. Parce qu'il y a d'aujourd'hui, plus la technologie avance, on a de nouveaux contaminants et puis les usines d'épuration d'eau, ils ne suivent pas non plus la nouvelle technologie avec de nouveaux composants. Donc c'est ça, on a un décalage entre les usines technologiques et puis des produits chimiques qu'on ne connaît pas et puis que les usines de traitement sont un peu en arrière. Donc ça ne veut pas avoir un impact sur la santé humaine, sur la santé des autres espèces. Donc on se tire dans les pieds un peu. Mais c'est ça le décalage, c'est la réalité. Ensuite, oui, il y a d'autres modèles. Donc bon, donc là, on a ces outils-là, ces outils pour la gouvernance de l'eau, pour le bien commun, parce qu'on sait qu'on dépend tous de l'eau finalement, mais qu'il faut ou se concerter, ou finalement, si on ne se concerte pas, mais à un moment donné, on utilise. Et c'est ça, l'épée. Donc là, on va utiliser la loi, le règlement. Et d'autres modèles, on a un modèle qui, moi je trouve que c'est moins idéal, c'est le modèle de la Californie qui a été importé par le Chili et un peu par le Mexique, qui c'est attribuer l'eau vraiment des droits à tous les usagers. Donc on s'assoit sur la table, on dit combien vous utilisez, monsieur l'agriculteur, moi j'utilise 4 millions de mètres cubes par année, bon, voilà votre titre. Et là, les usines, bon, mais vous utilisez combien d'eau? Mais bon, on vous donne un titre pour 300 mètres cubes d'eau par année. Comme ça, on a distribué. Les villes, bon, la municipalité, combien de mètres cubes d'eau vous avez besoin? D'État. Ok, on a une rivière avec 5 millions, et puis on va distribuer de telle sorte, et voilà. Sauf qu'ils ont oublié l'environnement. Donc là, il y a des rivières qui ont séché. Ah, ils ont pris tout. Ben oui. Oui. Oui, ben ça donne le Rio Grande qui n'arrive même pas à son embouchure parce que c'est ça dedans. Il y a le Rio Colorado également. Oui, c'est ça, il y a plus d'eau. Parce que là, les agriculteurs ils disent, mais moi je veux faire des canons. Les droits, c'est l'eau, c'est mon eau. Je veux faire des canons. Donc là, mon eau. Vous avez des tout dans le désert. Génial ça. On a accordé des droits privés sur l'eau, on a réparti ça. Oui, donc là, oui. Et puis là, les villes, c'est l'humanité est exponentielle, hein, on se multiplie. Et là, les villes disent, mais nous, on a le phénomène de l'aide, puisqu'on sait qu'on se multiplie, mais aussi on a l'immigration mexicaine qui vient en Californie, mais dans la ville de San Diego, il n'y a plus d'eau. Du coup, où je vais chercher plus d'eau? Ah, mais les agriculteurs, eux, ils en ont beaucoup. Et les agriculteurs disent, oui, mais ça m'écoute, moi. Combien je vais renoncer? Parce que moi, chaque mètre cube, ça représente combien de profits? Combien je vais arrêter? Donc, on crée une bourse. Ah, mais vous voulez acheter? Achetez-les dans la bourse, on a un prix de marché. Et c'est un peu ce que tu m'en parlais, entre le droit commun et le droit commercial. Et c'est ça, c'est devenu un bien commercial, un bien sujet à l'offre et à la demande. On ne parle plus de bien commun. Mais ils voient les limites, parce que ça, tout de suite j'ai l'impression de voir des grosses limites, mais ils, parce que c'est aussi ça, ils sont dans des systèmes tellement avec des limites que ce seront peut-être les premiers à changer de... Enfin, peut-être que le salut vient de ces régions-là qui, à un moment donné, seront obligés de complètement changer. Mais ce n'est pas viable. Oui. Parce que déjà, la nappe d'Ogallala, sur laquelle ils se basent pour l'exploitation, est en train de disparaître, carrément. Et puis, avec les changements climatiques, encore une fois, les ressources en eau vont devenir de moins en moins importantes. L'ennui, c'est qu'à l'heure actuelle, le bassin des Grands Lacs, ça représente une source d'eau potable de bonne qualité absolument unique au monde. Il y a un moratoire sur les échanges interbassins d'eau en vrac. On ne peut pas, par exemple, prendre de l'eau à la dérivation de Chicago qui était là pour des raisons sanitaires, et envoyer cette eau-là vers le bassin du Mississippi pour faire flotter des bateaux. On pourrait. On ne peut pas prendre de l'eau d'un bassin pour faire de l'hydroélectricité dérivée et tripoter de cette manière-là. À l'heure actuelle, c'est géré par le Canada, les États-Unis, puis les gouverneurs des États transfrontaliers qui sont en bordure des Grands Lacs ont un poids très important dans la balance pour garder l'eau des Grands Lacs dans les Grands Lacs. Mais que va-t-il se passer quand le Midwest américain va être assoiffé et que l'économie agricole là-bas du Corn Belt va s'effondrer parce qu'ils n'ont pas d'eau? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une urgence nationale qui va être décrétée pour aller chercher l'eau des Grands Lacs puis aller faire une immense pipeline d'eau vers les secteurs qui sont assoiffés? Tout le monde dit non, non, non, on ne va pas vider les Grands Lacs parce que de toute façon, ça ne va pas aider personne parce que c'est une réserve quand même finie. Mais la possibilité est là. Oui, ben encore une fois, la question publique, elle n'est pas... Il n'y a pas de question morale derrière le bien public qui sera utilisé d'une manière ou d'une autre. Mais la vision canadienne et la vision américaine est diamétralement opposée. Qu'allons-nous faire? Urgence nationale. Oui, ça fait compliqué. Mais surtout qu'il y a la question... En fait, effectivement, ça c'est un peu ce que... C'est ça qu'ils ont fait au Mexique. Ils disaient urgence nationale. L'eau est une matière de défense nationale, urgence nationale. Et ils ont fait le transfert. Parce qu'eux ont adopté, parce que la Banque mondiale leur a imposé toute une législation qui s'en allait vers le marché d'eau. Ils ont distribué des droits d'eau qui, maintenant, ils se gèrent par des bourses. Mais ils disent, ah, mais il y a une ville qu'il n'y a pas d'eau, là, je vais transférer parce qu'ici, il y a moins d'usage. Que là, c'est... Et le difficile, c'est que le retour en arrière, c'est très difficile. Très difficile. C'est ce que je disais par rapport au bassin versant les capacités d'un aquifère texan qui se réduit de près de 40% de capacité et qui a justement cette volonté d'aller chercher l'eau du Canada pour ramener parce qu'il y a des plans dans les cartons, il y en a depuis 100 ans. De prendre l'eau des glaciers des Rocheuses et de l'acheminer vers le sud. Il y en a des plans, il y en a, ne vous en faites pas. Et du coup, justement, pour arbitrer cette question entre, en fait, des agriculteurs qui veulent de l'eau et puis une ressource en eau qui est voisine, donc on pourrait considérer ce cas-là, mais il y a aussi d'autres cas où, par exemple, il y a des pays qui ont très peu de ressources en eau et qui en ont besoin, ne serait-ce que pour les biens vitaux des personnes qui y habitent. Et du coup, il y a besoin aussi d'une solidarité éventuelle entre plusieurs pays pour acheminer de l'eau même dans un autre bassin versant, mais parce qu'il y en a un où il y a très peu de ressources en eau et il y a des gens qui vivent là. Alors comment on départage justement en fait des droits vitaux d'une population, etc., de besoins économiques, enfin de... Dans l'entente des Grands Lacs, il y a une clause par rapport à la solidarité. Donc, il y a une petite ouverture. Si j'avais une question de solidarité humanitaire, une question humanitaire. Donc, il pourrait peut-être, quand il y a des catastrophes dans le monde, envoyer quelques bras d'eau pour certaines communautés, mais c'est temporaire. C'est juste temporaire pendant le temps que, par exemple, une catastrophe, une inondation, un tremblement de terre peut faire ça pour des questions humanitaires. Mais il y en a d'autres qui disaient, il devrait aussi avoir, quand c'est une question à long terme, une question de démontrer qu'ils ont bien géré leurs propres ressources. Pour montrer que c'est vraiment une crise humanitaire, parce que c'est est-ce qu'ils ont bien géré, est-ce qu'ils ont tout pollué, est-ce qu'ils sont installés où il n'y avait pas d'eau finalement, parce que vous installez dans les déserts, mais... Oui. Donc ça, il y a aussi ces questions-là qu'il faut voir, mais il y a la question de la solidarité dans l'entente, des questions humanitaires, mais temporaires. Donc c'est, on prévoit que oui, effectivement, il peut y avoir des manques d'eau, donc on peut envoyer des contenants temporairement en moins temps de régler la situation. Donc, sous condition qu'on montre en fait qu'on a une gestion, comment on pourrait dire, raisonnée, oui. Mais ça existe cette condition-là ou ce serait bien que ça existe? Ça serait bien que ça existe, mais ça serait plus si c'est les questions temporaires, devient un peu plus qui signale, qui donne une présentation qui est plus permanente que temporaire. Parce que temporaire, on pense à tremblement de terre. Ce qui est arrivé en Haïti, ou ce qui est arrivé parfois en Afrique, qui arrive de tremblement, et c'est vraiment des crises ponctuelles. Mmh. Mais Mais quand c'est la Californie qui fait des crises humanitaires, Vous êtes en train de parler de combien Est-ce que c'est pour les besoins vitaux ou c'est pour les agriculteurs, pour votre commerce, pour l'agro-industrie? Est-ce que c'est des besoins vraiment humanitaires? Est-ce que c'est temporaire? Vous avez un peu la production. D'où, enfin, à titre personnel, je reviens sur la question du droit. Il y a peut-être des nouvelles choses à inventer pour. Peut-être. Mais non, mais parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va vers cette. Dites-vous, juste pour peut-être prendre un temps pour parler de notre travail. Donc, ça fait 3 semaines qu'on est sur ces questions-là. Ce qu'on souhaite faire, pour l'instant, les axes qu'on prend, c'est qu'on a beaucoup parlé d'utopie. Ça, c'est des architectes depuis que l'architecture existe. Peut-être les architectes ont dessiné des utopies, des mondes merveilleux, des choses comme ça. Il existe aussi des dystopies. Et sur le rapport à l'eau, nous, afin de pouvoir proposer des choses ou rentrer dans des propositions peut-être un peu concrètes, on souhaite s'inscrire éventuellement dans les utopies, des dystopies. Donc se dire pourquoi pas. Et donc là, on est plus sur un travail de fiction, mais de se donner des libertés, de dire ok, alors. Mettons, on parle de dans 50 ans, il n'y a pas de date précise, mais dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, on imagine le pire cas qui puisse arriver, et on essaye d'écrire un récit, et d'autre côté, on imagine le meilleur cas qui pourrait arriver. Juste pour ouvrir l'imagination un peu, c'est-à-dire se dire, bon, pas rester peut-être fermé sur les problèmes du temps actuel, mais essayer de prendre un peu de recul. Et donc imaginez à quoi ressembleraient nos vies, la manière de vivre, pour aussi créer des futurs désirables. Et nous, entre les deux, ce qu'on voudrait, c'est dire, voilà, il y a l'utopie, il y a la dystopie. On écrit un peu ces récits, mais on essaye, entre les deux, nous, de proposer des choses qui sont un peu plus viables. Et donc, et je pense que c'est là où la part, notamment du droit, elle est importante d'imaginer comment on pourrait... faire avancer les choses, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on va vers des impasses. En tout cas, c'est ce que je ressens quand vous vous exprimez sur la gestion des grands lacs entre les États-Unis et le Canada, qu'à un moment donné, si quelqu'un décide de faire cavalier seul, pense à Trump et son rapport à l'environnement, comment ça se passe, quoi? Comment ça se passe? Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je sais pas si ça... Utopie, dystopie, ok? On va faire un scénario. Dystopie. Okay. On met l'économie en tout premier lieu. On développe. On veut continuer à augmenter la profondeur du chenal maritime du Saint-Laurent pour avoir des bateaux sans cesse plus gros qui traversent et qui transportent les marchandises de l'Europe, de la Chine, de l'Asie jusqu'au cœur des États-Unis. Et à force de creuser, on creuse, on ne s'occupe pas de l'environnement, on finit par faire ce que beaucoup de peuples européens ont fait avec le Danube, le Rhin, le Rhône, la Seine. On a un magnifique canal avec des... parce que toute l'eau finit par aller dans le canal de navigation au centre. Et on assèche les rives. Et pour faire propre, on fait des murs de béton de chaque côté. Et on fait flotter des bateaux. Et on utilise ce magnifique canal pour jeter nos eaux usées. De toute façon, c'est un égout, allez hop, ça file à l'estuaire, et voilà. Dystopie, max. Et lorsque les plans sont dans les cartons pour augmenter la taille des écluses et pour augmenter la profondeur du canal, on fait toujours mettre en scène qu'est-ce qui va se passer avec les rives. Parce que les rives, dans les lacs fluviaux, sont très, très... peu profonde. Et dans un scénario de changement climatique où on a 40% de moins d'eau dans le bassin, c'est une possibilité. Ça s'est vu. On a eu des années de bas niveau extrême où on pouvait marcher sur des kilomètres sur le lit du fleuve à sec. Et une fois que le lit est sec, les gens se le réapproprient avec l'agriculture, avec des routes, avec des chalets. Les jeunes vont se faire des petits campements. C'est vraiment sympathique comme tout. Mais que ça se produise sur plusieurs années, ça pourrait être une très nette possibilité. Ça, c'est la dystopie. Si on ne fait rien, business as usual, on finit avec un fleuve européen. Désolée. L'utopie, c'est on protège absolument la plaine inondable et le lit du fleuve. On met une juridiction qui fait en sorte que ça devient un bien commun. On s'arrange pour que malgré le fait qu'il y ait des années de très bon niveau, on ne drague pas plus, on ne creuse pas et on maintient les écosystèmes et on a un immense corridor vert qui se fait inonder périodiquement lorsqu'il y a des crues, parce qu'il va encore y avoir des crues extrêmes, mais où il n'y a pas de maisons et de villages nouvellement construits où on va devoir dédommager les gens parce qu'ils se sont fait inonder, parce qu'ils voulaient avoir la vue sur l'eau. Combien de fois ça arrive? La protection de la plaine inondable. Oui, à l'heure actuelle, là, les gens vont s'installer dans la plaine inondable et quand ils se font inonder, qui paye? Tous les Québécois. Sinistre. Il y a la même chose sur le Rhône. Oui. La même chose sur beaucoup, beaucoup de fleuves européens. Effectivement, parce qu'on est dans la plaine inondable. Alors, mon utopie à moi, personnellement, c'est qu'on ait ce magnifique parc qui continue à être un écosystème différent, peut-être terrestre, peut-être marécageux, peut-être autre chose, mais où les espèces naturelles vivantes peuvent continuer à circuler et à vivre. Parce qu'elle est protégée juridiquement. Oui, parce que comme on dit, une inondation devient une catastrophe que si c'est habité. Etc. Exactement. S'il n'y a personne, ça fait partie de la vie. C'est les cotonnes. Voilà. C'est une question d'adaptation aussi. Adapter la nature à nous. Oui, c'est ça. Il ne faut juste pas aller sur les terrains où... Ouais. Rester en retrait par rapport à ces zones de fluctuation. Quoi. Ou vivre avec. Oui, mais non, en l'occurrence, on, à moins d'être vraiment flottant sur l'eau, mais même en étant flottant sur l'eau, il y a quand même cette question de pollution, de choses. Enfin, tu vois, je pense que c'est. Après, c'est nous, ce qu'on voulait en termes d'utopie, dans ce sens-là, c'était aussi de. C'est bien, hein. C'est aussi de dire. Mais il faudrait nous prendre des juristes. C'est vraiment le droit, je suis d'accord, c'est le droit qui va faire les choses. Après, c'est aussi de dire, nous, on va être attentif à ne pas être dans une vision passéiste, il y a avant, on était connecté à la nature, on vivait en harmonie avec elle et tout. Bon, déjà, on ne sait pas comment c'était avant, on n'y était pas forcément. Et de dire, il y a quand même toujours... besoin d'avoir une économie, de vivre avec la nature, dans justement pas une vision anthropocentrée, mais une vision globale où l'espèce humaine fait partie de la nature. Et donc, on trouve des équilibres, on continue peut-être d'avoir de l'énergie. C'est intéressant aussi la question énergétique, parce que nous en France, on a beaucoup de centrales nucléaires, et que du coup, on se dit, l'énergie électrique, c'est super, parce que c'est pas polluant, sauf qu'en fait, il peut y avoir quand même des gros impacts sur les fleuves, donc c'est aussi mais comment on trouve un équilibre entre tout ça, on aura forcément un impact sur les espèces, mais d'arriver quand même au maximum à vivre avec le milieu, en fait. Parce qu'effectivement, l'utopie, en fait, c'est de reculer l'homme, en fait, des berges, enfin, de le retirer, de le reculer. Et du coup, on se demande, est-ce qu'il y a un intermédiaire possible entre trop s'avancer. Non, c'est pas tellement de reculer, c'est de l'empêcher d'empiéter sur les territoires qui vont être rendus disponibles. Autrement dit, la nature a horreur du vide. Aussitôt que le niveau du fleuve baisse, aussitôt, l'année d'ensuite, vous avez des gens qui vont dire « Ah ben, je vais augmenter mon gazon de quelques mètres, je vais remblayer un petit peu, je vais refaire mon mur de ciment. » Les agriculteurs disent « Ah tiens, ça me fait plus d'espace à cultiver. » Les gens se disent « Ah, j'ai accès à cette île, maintenant je peux marcher, je vais aller m'installer un petit chalet, une petite tombuse de rien du tout. » Et ça se fait comme ça. Et les gens s'installent. Et au fur et à mesure que le fleuve rétrécit, c'est extraordinaire la vitesse à laquelle les gens se réapproprient ces territoires-là. Pourquoi ne pas, au contraire, dire « Restez où vous êtes parce que l'eau va revenir. » C'est évident que l'eau va revenir. Je crois qu'il y a aussi... Oui. Oui. Et là, les gens disent, mais pourquoi vous avez fait ça? Ben, ça explique qu'à chaque 5 ans, il y a une réunion énorme, la statue des gars, pour maintenant. Parce que c'est ça que vous considérez aussi la science. Oui. Ça s'appelle l'espace de liberté. Les fleuves. Mais ce qui est vrai, vous savez, ici, en Amérique du Nord, parce que les espaces sont très larges, vous mentionnez qu'en Europe, c'est très différent, qu'on a très fort mécanisé. Oui, mais ça fait 1000 ans qu'on y est, alors écoutez, c'est une mesure d'avance. Hein. Et il y a une densité beaucoup plus forte de population, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'Alice réagit en disant voilà, il faudrait reculer, parce que nous, dans notre rapport au fleuve, on sent très bien. Oui, déjà complètement. Déjà très fort, sur le fleuve, et qu'en fait, il y a une démarche qui est de faire peut-être de l'espace. Oui. Enfin, du fleuve, de la rivière, pour voir aussi jusqu'où ça va. Oui. Et aussi de la côte, tu parlais aussi du conservatoire du littoral. Je voudrais embrayer là-dessus d'ailleurs. Mais du coup, il y a cette question d'avancer ici, d'empêcher l'avancée sur le fleuve. Mais en France, c'est pas mal plus compliqué parce que là, il y a des droits acquis depuis des siècles. C'est ça. Dès qu'on parle d'expropriation, en fait, c'est un autre registre que. En fait, là, il n'y a pas le droit d'avancer, il n'y a pas le droit d'un accaparement. Interdire un accaparement en cours est sans doute plus facile que demander à des gens de partir, en fait. Là, l'intervention légale, parce qu'ici, il y a des clauses grand-père. Vous avez le droit d'utiliser votre bien tant et aussi longtemps que vous ne voulez pas le vendre ou vous ne voulez pas le léguer à quelqu'un. Vous n'avez pas le droit d'agrandir ou de rénover ou de travailler. Mais là, bon, ça fait en sorte que peu à peu, les gens vont finir par se retirer. Mais ça ne sera pas en 2 ans, là, ça va se faire en 25 peut-être. Mais, parce que c'est ça qu'une fois qu'on avance avec les statuts, c'est difficile de reculer. Ouais. Comme en Californie, maintenant, ils sont pris avec le système. Et puis, à cause des droits acquis, ils ne peuvent plus empêcher les agriculteurs de produire ou de vendre leur eau. Donc maintenant, ce qu'ils font les villes, c'est d'aller puiser dans la mer et de faire la désalinisation parce qu'ils ne peuvent plus. C'est très difficile de faire le tour arrière. C'est pour ça que maintenant, c'est bon de penser ça avant d'y aller et puis de continuer à. C'est ça, dans le niveau de l'architecture, de penser et, au concept naturel de la science avant de penser au paysage et au nouveau développement immobilier. Et, donc, ça, c'est juste d'apprendre des expériences passées pour l'avenir. Mais pour reculer, c'est sûr que c'est très, très difficile, une fois qu'on est déjà allé de l'avant. C'est... Ou si, par exemple, si les propriétés se font inonder, c'est de dire, écoutez, vous n'avez plus droit à des compensations. Puis, éventuellement, les compagnies d'assurance cessent d'assurer les propriétés privées qui sont dans la plaine inondable. Alors, les gens ont une raison de dire, écoutez, moi, je prends le risque de me faire inonder une fois en 10 ans, mais si je me fais inonder, c'est fini, merci, bonjour, je perds tout. Alors, finalement, ce que les gouvernements n'ont pas le courage de faire, les compagnies d'assurance, elles, ils ont le moyen de trouver leur profit. Oui, parce qu'on en parlait hier, parce qu'ils n'ont pas envie de continuer à dépenser de l'argent. En fait, ça va aller crescendo. Du coup, ils n'ont pas envie de continuer à dédommager de plus en plus de monde. Oui, puis après... c'est pas en privé que ça va. C'est pas en France, mais pour moi, on disait que les gens s'installent dans les zones inondables. Moi, je considère que les gens sont pas sachants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi la corruption qui fait qu'il y a des maires et des communes qui passent en zone constructible, des terrains qui sont en zone inondable, le grand public n'est pas au courant, eux ils sont au courant, ils font de l'argent, et puis le jour effectivement où il y a une inondation et qu'il faut payer, on va attaquer le maire et tout machin, mais à un moment donné ça va revenir effectivement à l'État quoi. Mais après ça je connais pas, mais à côté de Nantes on a eu des grands problèmes comme ça dans un département limitrophe qui s'appelle la Vendée, avec les tempêtes marines. Je voulais juste faire un petit retour sur le conservatoire du littoral en France, on a une loi littorale, on a une interdiction de construire au bord du... Ils ont arrêté, il y a eu, effectivement, ça fait des millénaires qu'on est là, donc il y a eu des centaines d'années qu'on construit au bord des mers. Là, c'est vraiment la mer. Oui. Et ça a même une limite, ça va jusqu'à c'est l'eau salée. Hein, c'est-à-dire que tous, quand on change de milieu, qu'on passe à la l'hymnologie, enfin, des eaux intérieures, c'est plus le conservatoire du littoral. Je dis ça parce que Nantes est à la limite. Mais où on dit, bah là, voilà, il n'y a plus le droit de construire. S'il y a des terrains, dans une bande de 100 mètres, potentiellement, s'il y a des ventes de terrains privés, parce qu'il y a des terrains privés qui existent, les communes. Le conservatoire du littoral est un organisme de gestion foncière, donc il peut préempter, il peut dire ça, je l'achète et je le transforme. Ça a un impact quand même fort. Là, il y a eu quand même un organisme, une gestion du droit qui a permis, qui permet aujourd'hui qu'en France, on a des côtes en bonne santé, qu'on n'a pas ou peu de privatisation. Il y en a, mais elles sont antérieures et il y a un peu de friction, mais quand même, ça. Il y a dans cette idée en France qu'on peut marcher le long de la mer. Ah, ils rachètent des parcelles et des maisons qu'ils démolissent, donc ils rachètent au prix de la maison et du territoire. C'est vraiment. Heureusement qu'ils existent et qu'il y a cette volonté-là, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour racheter une maison, en fait, la raser pour juste. La laisser un terrain naturel et la rendre accessible. Quoi. Et ils imposent aussi le passage. C'est-à-dire, au moins, vous laissez une bande de passage. Le muret qui était sur la falaise, vous le reculez, vous mettez 2 mètres, on crée un cheminement, vous perdez du terrain. Peut-être vous êtes compensé, effectivement, mais je veux savoir s'il existait ce type de choses, peut-être ici. Après, je reviens encore sur la gestion des parcs naturels. Il y en a quand même beaucoup. Comment c'est géré, en fait? Le foncier appartient à qui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait une période où il y avait la question des maîtres par rapport à la rivière. Vous savez, c'est tellement loin un peu dans ma tête, quand j'avais vu ça dans les lois, que les lois ont changé. Justement parce qu'avant, je pense qu'ils donnaient le droit de propriété. Et puis finalement, ils disent, mais finalement, ça, on a changé, il faut créer ces passages. Donc petit à petit, ils disent, on ne peut pas comme affecter les droits acquis, mais ça va durer, par exemple, on va respecter pendant un terme 50 ans, et ensuite, ça sera fini. Il y aura plus de, on ne peut plus transférer cette propriété après. Donc il y avait un phénomène comme ça, mais ça fait comme 50 ans qu'aujourd'hui, c'est plus dans la loi à jour, mais quand j'avais fait tout un recul sur les droits de l'eau, j'avais trouvé ça, et cette modification des 50 ans, que je dis, bon, c'est loin, mais quand même ça permettait que les gens y avaient leurs droits acquis, mais qu'ils savaient qu'après 50 ans, mais si tu le revends, il te reste 25 ans, il te reste 10 ans, il te reste 5 ans, il te reste plus. Donc là, ça a été une compromis entre les droits acquis, et puis à long terme, vision à long terme, de dire, on va récupérer ces passages. Mais là, il faudrait que je revoie mes notes exactement c'était quoi les noms. Il parlait vraiment des maîtres par rapport à l'accès au fleuve aussi. Donc, c'est ça. Il y a toute l'imagination qu'on peut utiliser pour récupérer finalement les espaces naturels. Donc, c'est pas impossible. C'est un peu plus difficile, mais si on a une vision ça, des sociétés, des biens communs à long terme, on pourra peut-être s'accommoder à la nature. Je regardais le conservatoire du littoral, lui il est assez récent, il date de 1975. Oui, c'est. Puis je pense que toute la loi littorale qui sont de 1970, c'était pas rien. Hein. Et puis ça s'est pas fait tout seul. Hein. Oui, il y avait un prof qui a parlé sur le littoral en France. Il y a un prof, Brun, non? C'est pas là, de notre ami Brun. Marie Brun, non? Ça vous dit quelque chose? Ça travaille sur l'eau, le littoral. Il nous avait présenté un cas comme ça. Je pense qu'il était en train de construire un développement immobilier sur le littoral. Ouais. Puis il disait, mais comment ils font ça si ça va s'inonder? Et puis, il y a la question de la mer aussi. Ouais. Et puis... La mer avec le changement climatique. Oui. Ici, sur la côte nord, il y a des routes, des villages qui sont menacés par l'érosion. Et puis, les décisions à prendre, ça demande énormément de courage politique pour dire, écoutez, vous partez parce que vous allez perdre votre maison. Là, on ne va pas vous dédommager, on ne va pas vous aider à lutter contre l'avancée de la mer. Et à l'heure actuelle, c'est le genre de choses qui se discutent beaucoup, mais dont l'application varie énormément d'un secteur à l'autre. Il y a du meilleur, il y a du pire. Mais ça se discute, c'est déjà ça. Oui, c'est comme les volcans. Oui. Quand ils disent, mais il va y avoir une éruption dans un mois à évacuer, les gens n'évacuent pas. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Là. Ils disent, bon, il y a une semaine à peu près. Non. Parce qu'ils ont peur de laisser leur propriété, de se faire voler. Donc ils restent là et finalement, si la catastrophe arrive, mais là, les gens étaient là. Ils n'ont jamais voulu. C'est une question de volonté. C'est difficile pour l'État. Oui. Mais c'était une belle discussion, vraiment. Wow. C'est un échec. Ouais. On a oublié de dire ça aussi au tout début. On s'est un peu mis comme exercice, avant de commencer la résidence, de faire ce qu'on appelle des capsules sonores. Donc de s'enregistrer en fait bêtement avec un téléphone ou un enregistreur sur trois thématiques pour faire assez simple, donc sur l'eau, le fleuve, sur la question de l'eau ou du fleuve, sur la question du bien commun ou des communs, et sur la question habiter. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est chacun d'entre nous a pris un petit enregistrement de 36 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, à chacun de voir. Il y en a qu'on fait 10 minutes ? Non. Et du coup, on a gardé ces capsules, on travaille, et l'idée c'est de les redécouvrir à la toute fin, et de les réécouter pour voir comment aussi a évolué notre façon de voir ces trois thématiques. Et on propose aussi de faire le même exercice à tous les intervenants. Donc si vous avez l'occasion et l'envie de vous enregistrer, et de nous envoyer ça après par mail, juste sur... on peut vous renvoyer aussi un mail pour vous le redire, sur l'eau, le bien commun et habiter. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça peut être très personnel, c'est pas forcément... Nous, on l'a fait justement en début de résidence, avant d'avoir fait toute recherche préalable, et même un peu plus sur notre rapport à l'eau, notre rapport à la réalité. C'est pas quelque chose de... Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit documenté, recherché, c'est du ressenti, voilà. C'est juste. Ça peut être qu'est-ce spontané. Essayer de garder un côté spontané, il n'y a pas de notes à la fin. On ne sait pas encore ce qu'on en fera, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir plein de points de vue différents. Jusqu'à des points de vue personnels et puis aussi culturels. Enfin, on rencontre plein de gens, on est différents, nous-mêmes on est différents, Donc c'est aussi être capable de montrer peut-être ça, cette diversité. Et on est vraiment ravis. Vraiment ravis de cette matinée avec vous. On vous tiendra informé de nos travaux si vous le souhaitez. Si vous pensez à quelque chose, vous n'hésitez pas à nous contacter. Si on a une question peut-être à poser, je pense qu'on n'hésitera pas non plus. Mais l'équipe française quitte le Canada dimanche. L'objectif, c'est d'arriver quand même à faire une restitution aussi ici. Au moins, comme on l'évoquait au début, une publication. On a une exposition qui est demandée à Nantes, mais on verra si on peut l'amener aussi jusqu'à Montréal et puis voir comment ce travail, qui est en fait un travail, je pense, de longue haleine, qui ne s'arrête pas forcément juste au temps de la résidence non plus, pourra émerger. Quoi. Notre temps de résidence ensuite, on va finir les 3 semaines de résidence à Montréal ce dimanche, comme disait Andreas, et ensuite on a les 3 semaines de résidence à Nantes du 4 au 24 novembre. L'équipe québécoise nous rejoint à Nantes. Mais évidemment, c'est des sujets, question de l'eau, de la propriété, c'est des sujets qui nous intéressent déjà en collectif depuis longtemps et qu'on portera encore au dernier instant. Ouais. Et cet après-midi, on reçoit aussi. Dans une demi-heure. Dans une demi-heure, c'est oui. Ça. 13h, ouais, 1h15. On reçoit aussi. Philippe Gachon. De chaire de recherche UQAM sur les risques hydrométéorologiques liés au changement climatique. Ah, je vais vous dire quelque chose à faire. On essaye d'avoir l'air encore à notre. Après, si vous voulez, on enregistre les entretiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez, on aura une bibliothèque d'entretiens. Si ça vous intéresse, de l'écouter en travaillant, on peut vous l'envoyer. Vous voyez, après, il y a des personnes à l'écoute. défense des droits de la nature en France. J'apprécierais si jamais vous pouvez me tenir informé. Sur l'évolution de... S'il y a eu une intervention sur la reconnaissance des droits de la nature en France. Parce qu'il me semble qu'il y a eu quelque chose. Eh bien, ça me semble... Moi aussi, ça me parle. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, comme nous avons rencontré des experts ici, mm-hmm. nous allons poursuivre ce travail aussi en France, par rencontrer des spécialistes hein, qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre okay. et encore une fois profiter. Au revoir. Au revoir. Oui, ça serait en vrai. Un contact pour si vous voulez nous impliquer peut-être, pourquoi pas. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On pourra diffuser les contacts si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Et que, juste pour finir ce que je disais, c'est juste qu'on pense qu'il y a vraiment une richesse de croiser, d'être sur deux territoires sur cette résidence. Ça permet vraiment de prendre du recul et de voir d'autres manières de voir. C'est ça qui est enrichissant. Et ça permet, donc, par rapport à ces questions-là, en tout cas des questions légales et juridiques en France, par rapport au droit à la nature, on va aussi creuser et on pourra vous rendre compte. Et ça rentrera aussi dans notre travail de recherche. Bon, parfait, merci. Je prends note qu'on a des voix.